couple, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Ben dites-le plutôt clairement. Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 7, épisode 35. Je procède au rappel traditionnel de cette émission. Si vous souhaitez nous contacter, faites-le à l'adresse suivante dempart@dnmx.org. Je répète, dempart@dnmx.org. Je vous invite aussi à participer au forum Europe Écologie Les Brins à l'adresse suivante eelb.su. Le forum vous permet de commenter les émissions, bien entendu, les articles qui paraissent sur le site de Démocratie Participative, et il y a toute une série de rubriques que vous pouvez consulter à loisir, je vous invite d'ailleurs. L'adresse actuelle, très temporaire, c'est dempart.lol, le nom de domaine devrait sauter prochainement, donc il y en aura un autre. À cet égard, si vous souhaitez, si vous n'utilisez pas de VPN, si vous ne consultez pas le site grâce à la combinaison navigateur Brave plus Tor, tout est inclus dans Brave, donc c'est en deux clics, vous pouvez le faire, et grâce à notre oignon Tor, consulter en permanence le site, il ne peut pas être censuré. Si vous ne le faites pas et que vous êtes sans VPN et sans Tor, à ce moment-là, vous êtes dépendant du nom de domaine en clair, qui change très souvent. Alors, vous pouvez aller sur gab.com, où il y a un groupe Démocratie Participative, avec les articles qui paraissent tous les jours. C'est très bien tenu, c'est très bien administré. Et vous trouverez la dernière adresse du nom de domaine en clair. Donc, si vous voulez savoir, ah zut, je ne la trouve plus, je ne sais pas où c'est, vous allez sur gab.com, Démocratie Participative, vous trouvez ça tout de suite. Il y aura la dernière adresse fonctionnel. Voilà pour ce message. Avant de remercier nos donateurs, je tiens à présenter les membres de l'émission. Cette semaine, on est en équipe restreinte. Ça fait partie du jeu, hein. Mais de qualité. Est avec nous cette semaine, donc Jean Bureau. Salut Jean, j'espère que tu as la forme. Tu chauffes les canons, là, c'est parti. Salut Gandalf, oui, absolument. Je sais que aujourd'hui on parle de guerre mondiale et de guerre nucléaire, donc effectivement, comme je le disais précédemment, je me prépare à la campagne. Ah bah t'as raison. Et aussi avec nous cette semaine, bien sûr, Vincent, comme chaque semaine. Salut Vincent. Bonjour Gandalf et bonjour Jean et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de DP. Alors je précise que si vous souhaitez soutenir Vincent, vous pouvez le faire en se rendant sur son site internet. Blog, blogue-sc.com, blog-sc.com. Vous pouvez soutenir Vincent dans ce qu'il fait, dans son travail. On publie chaque semaine environ des épisodes de sa réhabilitation du national-socialisme. Donc vraiment une très grande synthèse en fait du national-socialisme présenté par Vincent. Donc pourquoi est-il apparu, comment, dans quel contexte? Il évidemment passe en brèche toute une série de poncifs, de mensonges, de fake news de l'époque qui ont toujours cours. C'est très intéressant, très important aussi à comprendre, et donc on se fait un plaisir de le diffuser. Soutenez Vincent sur son site. Alors, puisqu'on parle de soutien, c'est l'occasion de remercier les donateurs, puisque sans dons, on ne peut pas fonctionner à démocratie participative. C'est aussi simple que ça. C'est vous qui faites fonctionner DP, personne d'autre. Si vous souhaitez le faire, c'est par crypto-monnaie, plus spécifiquement Monero, qui est une crypto qui garantit l'anonymat des transactions. Donc on ne peut pas savoir qui vous êtes, on ne peut pas connaître le montant de l'argent que vous envoyez, et on ne peut pas connaître le destinataire. Voilà, donc on ne peut pas savoir que vous soutenez démocratie participative. Ce qui est très utile en ces temps de répression généralisée, évidemment. On ne peut plus utiliser de carte de crédit, parce que mon Visa et tout ça, Visa, Mastercard, ils se sont engagés à lutter contre l'extrême droite, les suprémacistes blancs, etc. Vous connaissez tout ça. Bon, PayPal, là, c'était encore dans la presse, ils mettent maintenant des amendes de 2500. Ils s'autorisent à saisir 2500 dollars ou euros, bon, c'est presque pareil, sur les comptes des personnes qui ont PayPal, si d'aventure ils sont surpris à répandre des fake news. Alors, de tous ordres, hein. C'est pas limité au révisionnisme historique. Hein. Non, c'est Covid, ce que vous voulez. Hein. Bon, en fait, c'est le fait du prince. Quoi, hein. Voilà. Ils s'autorisent à prendre 2500 euros pour chaque fake news, hein, je précise. Hein. Donc, voilà. Donc, il y a un aléa moral consacré maintenant avec PayPal. Votre argent n'est pas sûr. Hein, ça, c'est sûr. C'est sûr que votre argent n'est pas en sécurité avec eux, disons. Donc, évidemment, dans ces circonstances-là, maîtriser Monero, c'est très utile. C'est vrai que à démocratie participative, on en fait maintenant par la force des choses la promotion, mais cette semaine, en aparté, je vous dis ça, une personne nous a contacté parce qu'elle avait besoin de savoir comment maîtriser Monero, parce qu'elle essayait d'aider une personne qui se trouvait en Russie, vous voyez, qui avait des difficultés personnelles, enfin, il y avait des liens familiaux, je pense, c'est ce qu'on m'a expliqué, et bon, voilà, en gros, les personnes avaient des problèmes de santé, et à cause des sanctions, ce qui aurait dû se passer simplement par un virement bancaire ne peut plus avoir lieu. Alors, on nous a demandé, mais Monero, comment, etc. Ben, vous voyez, ça, c'est un exemple concret d'utilité pratique de Monero, hein, dans le nouveau monde dans lequel on va évoluer. Donc, il ne s'agit pas simplement de nous soutenir, hein, je veux dire, c'est un outil qui est très, très utile pour échapper aux sanctions économiques. Hein, voilà, d'où l'importance. Alors maintenant, je remercie les donateurs. Donc, s'il vous plaît, soutenez-nous. Sans vos dons, on n'existe pas. C'est aussi simple que ça. Premier don, c'est Cosmo qui nous écrit. Bonjour DP, je vous ai envoyé ce jour 2 Monero, ainsi que la même somme à Vincent Renoir. Voilà, t'es averti Vincent, tu pourras vérifier de ton côté. Pourrais-je avoir confirmation de la réception de votre côté, ainsi que de la part de Vincent, si c'est possible? Alors, ça sera fait pour ce qui nous concerne. Bien évidemment, sachez qu'il y a à peu près une semaine de délai de latence entre le moment où le don est effectué et où la mise à jour est faite de notre côté. Donc, pardonnez-nous un petit peu pour le délai. Mais n'hésitez pas à nous relancer si des dons ont été faits, vous n'avez pas eu de confirmation, parce que ça peut nous échapper. Hein. Je t'interromps pour dire que nous, il a été reçu le don de ce monsieur. Ah bon, d'accord. Donc, je le remercie chaudement. Et je remercie Ben, pour son don de 60 euros. Merci beaucoup. D'accord. En attendant, un grand salut à toute l'équipe qui chevauche le dragon dégueulasse et brahique, la main tendue bien haut, la mèche rebelle qui flotte fièrement au vent, et surtout, pas de laisser aller, garder sa petite moustache carrée bien peignée, en toute occasion, surtout en ces temps troublés. Après tout, on n'est quand même pas des bougnoules, et encore moins des pulapis incrustés dans un quelconque claque associatif, coco. Socialope, merci encore pour votre mission de salubrité publique, et bon courage pour la suite. Alors Cosmo est un mécène hein, de l'émission, merci Cosmo, pour ton soutien. C'est vrai que de Monero, c'est pas négligeable. Hein. Merci Cosmo. Mais d'autres nous ont fait aussi des dons considérables par le passé. Hein, voilà. Puis il y a des gens qui font des dons d'une taille plus modeste, mais bon, hein, c'est avec les petits ruisseaux qu'on fait les grandes rivières, comme on dit. Don numéro 2, Char Gandalf, merci beaucoup pour tous les efforts que tu as fait pour nous informer sur nos véritables ennemis. Vous avez très bien saisi et déconstruit les innombrables pièges que le système juif a mis en place pour nous génocider. Je trouve les émissions très bien articulées, souvent avec un fil conducteur qui génère de la cohérence entre les diverses sections. Voici 1.5 Monero, largement mérité. C'est signé Fantôme, merci Fantôme. Un message t'a été envoyé, j'espère que tu pourras y répondre. Une réponse à ta question, puisque tu avais une requête un peu particulière, et donc dans l'attente de ton retour. Merci en tout cas pour ton soutien régulier aussi, hein. Fantôme est un mécène de l'émission. Donc suivant, salut, salutations, j'aurais voulu savoir si vous avez bien reçu mon nom de 010 Monero attribué à votre adresse. Si oui, alors je n'hésiterai pas à devenir un mécène, car en effet je réponds à votre appel de mise en garde contre la pénurie de dons de la semaine dernière. Je trouve qu'il est naturel et sain de se soutenir les uns les autres cordialement, BZH, comme une hache. Oui, c'est vrai que récemment on a eu une baisse très significative des dons, ce qui pose problème, très nettement. Difficile de connaître la cause, bon, c'est des facteurs extérieurs, hein, qui nous échappent un peu. Mais c'est vrai que, bah, comme nous, on est dans une position précaire, puisqu'on dépend complètement des dons des auditeurs et des lecteurs, des gens qui consultent le site, etc. C'est sûr que, oui, on est complètement tributaire de ça. Et qu'en plus, on passe pas par les plateformes de paiement classiques. C'est pas PayPal, c'est pas Tipeee, c'est rien de tout ça. Hein. Donc, on est vite balayé. Hein. Donc, c'est beaucoup plus compliqué, c'est vrai. On se bat souvent contre des obstacles imposants, dira-t-on. En tout cas, merci BZH et merci de soutenir. Dernier don, ton numéro 4. En tout cas pour ceux que nous avons reçus et les personnes qui nous ont écrit. Bonjour à toute l'équipe de DP, je vous informe par la présence de mon don de 1 Monero effectué ce jour. Je profite de ce nom pour poser la question suivante aux intervenants du podcast. Conseillez-vous aux jeunes blancs de s'expatrier de France? Question qui a été posée à plusieurs reprises au fil des années dans l'émission. Mais vous allez comprendre, on va développer. Sur DP, il est régulièrement conseillé aux lecteurs de quitter les grandes villes françaises. Oui, absolument, oui. Toutefois, la récente annonce de Macron concernant l'installation de migrants dans les campagnes me laisse pessimiste quant à la tranquillité à court et moyen terme dans nos campagnes françaises, sans parler du fait que les jeunes travailleurs blancs financent par les impôts la machine à grand remplacer. Je vous remercie par avance de l'intérêt que vous porterez à ma question. Amicalement, c'est signé Ferdinand. Alors, merci Ferdinand d'abord pour ton soutien. Merci aussi à tous nos donateurs qui ne nous envoient pas de messages, comme c'est leur liberté de ne pas le faire. Hein. Mais merci à tous ceux qui nous soutiennent. Et maintenant, pour répondre à ta question, ah ben, c'est assez intéressant puisque sur le forum ELB, il y avait justement des contributeurs, que je salue aussi, qui sont allés en Amérique du Sud. C'est pas la destination à laquelle je penserais a priori, mais c'est intéressant, c'est des expériences vécues. Et je vais les citer pour que leur propos soit bien entendu. Mais en introduction, je dirais, donc on nous dit, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Alors, pour ma part, hein, quand je dis quitter les grandes villes, ça me semble être du bon sens empirique, pour les raisons que j'ai souvent expliquées. Et puis ça n'est pas inaccessible, hein. Voilà, finalement, quitter une grande ville pour s'écarter d'une certaine distance, hein. Bon, chacun juge laquelle est la meilleure, mais c'est réalisable. Je veux dire, c'est ça paraît pas insurmontable comme chose, et on reste dans le même pays, voire même dans la même région. Évidemment, l'expatriation, c'est autre chose, c'est un changement de vie radical. Et comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc quand il s'agit d'expatriation, je ne m'aventurerai pas en étant catégorique en disant « Vous devez quitter la France, vous devez partir, vous devez vous expatrier, c'est évident, faites-le !» Parce que c'est tout sauf facile, c'est tout sauf évident. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, familial notamment, d'attachement évidemment à son pays, etc. Donc il y a toute une série de choses qui font que c'est très individuel, c'est souvent des démarches individuelles, et j'ai tendance à faire une réponse de Normand, celui qui s'expatriera, s'expatriera, si vous voulez, c'est presque, ça se produira si ça doit se produire, c'est ce que je dirais presque, mais je ne dirais pas... Oui, ah, une tautologie. Oui, non mais c'est ça, c'est une tautologie, mais c'est un peu ça, c'est... Mais on aime les tautologies. Non mais voilà, mais bon... Je ne me vois pas dire aux gens dans les émissions comme ça, juste en passant, ah bah oui, bah les gars, bah évidemment, il faut se tirer. Ah bah oui, non, parce que non, c'est des choix tellement radicaux, personnels, qui sont tellement cruciaux, et qui sont tellement différents d'une personne à l'autre que je ne me dirais pas, je n'irais pas encourager comme ça. Voilà. Par contre, ce que je dirais, c'est que, à l'évidence, c'est une possibilité qui se défend. Hein. C'est pas être un ahuri, un illuminé que de le croire. Hein. Donc voilà. Donc, mais je pense qu'il y a ceux qui voudront rester quoi qu'il advienne, et il y a les autres qui voudront partir quoi qu'il advienne. Ben, et souvent ils s'entendent pas d'ailleurs. C'est un petit peu logique puisqu'évidemment ils font des choix antagonistes. Alors avant de donner la parole, peut-être là-dessus, peut-être sur ce que j'ai dit, peut-être vous voulez réagir avant que je cite les commentaires de nos participants sur le forum. Vincent, je t'en prie. Ben, moi, je dirais qu'en effet, je suis tout à fait d'accord avec toi, Gandalf. C'est à chacun son chemin de vie. S'expatrier, j'en sais quelque chose, c'est un choix radical. Ça dépend. Il y a tant de paramètres qui rentrent en jeu. Question familiale, attachement, avenir, inquiétude, enfant. Que c'est vraiment à chacun de se faire sa propre opinion et de décider ou pas. Après, ça dépend aussi du pays dans lequel on va. Il y a des pays qui vont peut-être être plus simples que d'autres. Mais je dirais, ceux qui le feront. Et puis ceux qui le feront pas, ne le feront pas. Et chacun aura, je dirais, ses bonnes raisons. Il n'y a pas à se quereller pour ces affaires-là. Oui, alors. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Je pense que Vincent, tu avais déjà parlé dans une émission précédente du côté aliénant de l'expatriation et quand tu parlais de tes enfants qui se sentaient français alors qu'ils vivaient en Belgique depuis un certain temps. Il y a un côté comme ça, je pense, hein, de ce que j'ai pu voir, que beaucoup de gens qui s'expatrient se sentent éternellement étrangers là où ils ont, même si ça fait des décennies qu'ils y sont, donc il y a toujours un côté un petit peu à mon avis, hein, de se sentir à côté du reste de la société légèrement. À mon avis, on peut être plus ou moins intégré. Après, quelque chose qui est à mon avis très important en France pour ceux qui restent, ceux qui décident de rester, c'est de s'engager pour essayer d'avoir un maximum de responsabilités, que ce soit associatif, potentiellement dans les entreprises ou au niveau des pouvoirs publics, puisque ce sont des possibilités qu'on a uniquement si on reste en France. Si on reste en France et qu'on s'engage dans rien, qu'on reste étranger à tout l'aspect politique, tout l'aspect de l'engagement, ça n'a aucun intérêt et probablement qu'il vaut mieux partir à l'étranger. Mais bon, comme souligné précédemment, c'est quand même une question extrêmement personnelle à laquelle on n'aura toujours que des éléments de réponse à donner. Et en fait, ce serait une distinction de cas qui serait trop longue à faire en fonction des personnes. Alors justement, on a des cas précis puisqu'on a des participants au forum ELB qui nous ont fait le plaisir de donner un peu leur expérience dans la partie expatriée. Et voici le premier commentaire. Donc, j'ai passé 3 mois dans le cône sud de l'Amérique du Sud, hein, donc c'est-à-dire Argentine, Chili, Uruguay, à plus de 10 000 km de l'Europe. J'ai redécouvert, sans lire cette fois, ce qu'était vraiment que d'être européen et germain de surcroît. Que des blonds, des copies conformes des splendeurs de Breaker, partout, même dans les petits villages, des Ariens en osmose avec le cosmos, épanouis dans leur Lebensraum, dans leur espace vital, étrangers à la décadence européenne, au Blut, donc c'est-à-dire au sang régénéré par un nouveau bone, nouveau sol, quoi. Ce vaste territoire, d'ailleurs, parlons-en, le Valhalla tellurique, paradis hyperboréen enfin retrouvé. J'ai effleuré les cimes de l'existence en m'élevant à 16 000 pieds au-dessus de la mer et bien plus encore au-dessus de la triste fange boueuse ou décrépite de l'Europe, érodée par des flots de sang halogène et le poison sémite. J'ai grimpé tant de sommets vertigineux par volonté d'ascèse pour contempler mon paradis retrouvé et aussi par défi ou souhait d'un regard à la hauteur de ces états de ces états de splendeur. Donc en fait, je pense qu'il était en montagne. Alors, de ces Terrae Nullius, le génie blanc a encore une fois triomphé de la passivité et de la paresse indigène. En quelques décennies, c'est devenu l'endroit le plus prospère du monde en nutriments, en matières premières, en main-d'œuvre nécessaire à la prospérité de la nation. Un climat propice à la grandeur, meilleur qu'en Europe et même qu'en Italie ou que dans le sud de l'Espagne, où les chaleurs trop extrêmes influent sur les corps et les psychés et nous font dégénérer. Je parlais espagnol, allemand, français, italien, avec paysans ou grands propriétaires, épiciers ou financiers. Nous étions les derniers vrais Européens, dit-il. Je suis tombé amoureux mille fois de tout et plus encore. Je n'ai jamais dormi, cherchant sans fin d'introuvables défauts à ce vaste territoire de béatitude, ne me reposant que sous l'ombre salutaire de l'Yggdrasil de la Pampa. Mon esprit n'a jamais été aussi fécond, mon bras n'a jamais été aussi fort, mes jambes puissantes, mon estomac avide et mes papilles gustatives ravies par cette viande fraîche, naturelle, sublimée par une cuisson particulière et une vie au grand air. Les mauvaises langues parleront de crise économique et de dangerosité. Ils n'y ont jamais mis les pieds. Si le pesos, donc ça c'est plutôt argentin je pense, fluctue tant, ce n'est que pour favoriser le territoire, la vie simple, empêcher l'embourgeoisement et la vente du pays aux capitalistes. Et de ces prétendus coups de couteau, rien à signaler. Jamais je ne me suis senti en danger, mais il est vrai que je suis le prototype du héros céleste. Bien folle celui qui oserait se mesurer à la vitalité retrouvée par ce voyage fabuleux. Je continue à économiser et dans 2 ans, j'irai y vivre à Bariloche que même les Suisses jalouseraient s'ils la connaissaient. Vraiment, quelle punition que de revenir parmi tous ces gens sombres qui ternissent le peu de lumière que notre continent en Europe donc conserve. Donc ça, c'était Yedem Denzain qui a écrit ça. Alors, il y a un deuxième commentaire que je vous livre dans la foulée. « Bonjour les démocrates, je me suis inscrit sur ce forum pour répondre donc au sujet qui était abordé, hein, car je vis actuellement depuis 2 mois au Paraguay. Moi et ma compagne, nous avons décidé de fuir la turbo-dictature judéo-écolo-marxiste qui s'installe progressivement en Europe. La première chose que j'ai à dire, c'est que nous ne regrettons absolument pas notre choix, car nous sommes plus sereins depuis que nous avons posé le pied au Paraguay. On habite à San Antonio, à 10 kilomètres de la capitale Asunción, sur la rive du Rio Paraguay. Au niveau racial, les Paraguayens sont principalement de descendance espagnole, avec un peu de métissage guarani, mais également des gènes de blancs, car il faut savoir que le pays a connu 2 grandes guerres, Triple Alliance et Chaco, qui ont été dévastatrices pour la population, donc il y a des politiques d'immigration très favorables. Il existe également une communauté de Japonais et de Coréens. Une fois que vous sortez du Grand Asunción, vous avez de grands espaces, vides et verts, idéal pour se ressourcer en pleine nature. Les Paraguayens sont de gros mangeurs de viande. C'est pas ici que tonton Klaus Schwab va débarquer pour imposer ses insectes dans leur assiette. Il risque de finir en asado, l'équivalent du barbecue au Paraguay. La nourriture est de qualité et plus naturelle, sans oublier le prix, car même pour un Paraguayen moyen, on peut très bien manger sans se ruiner. Pays très catholique et très attaché à ses valeurs. Récemment, le ministre de l'Éducation a voulu changer le programme scolaire pour inclure la théorie du genre. Il y en a eu beaucoup qui sont descendus dans la rue pour manifester contre. Un autre avantage du Paraguay, c'est la liberté d'entreprendre. Vous êtes habile de vos mains et vous avez une idée, ben vous pouvez vous lancer sans problème. Moi et ma compagne, nous avons lancé un business de préparation et livraison de sandwich. Pour ce qui est de la sécurité, on dit souvent que l'Amérique latine est un coupe-gorge, pourtant on se sent en sécurité. Bon, maintenant c'est comme partout, il y a des endroits où il ne faut pas traîner la nuit. Par contre, au niveau des inconvénients, le plus gros problème, c'est l'état des routes. Car si elles ne sont pas encore en sable, si elles sont pas en sable et en gravier, elles sont en asphalte, mais avec des trous et des bosses, voilà, assez conséquentes. Donc un bon 4x4 ou un pick-up est conseillé. Je pense avoir dit l'essentiel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. J'ai encore quelques anecdotes. Plus d'une heure de route pour faire San Antonio à Regua, donc 25 km, car il n'y a pas de route directe. Donc oui, c'est assez à l'ancienne, quoi. Semaine dernière, j'attendais le Bolt, équivalent d'Uber, pour aller chez un ami, un samedi soir, donc un taxi, quoi. Un jeune vient m'accoster, évidemment, je prends un air méfiant, mais en fait, il voulait juste que je commande un Bolt pour lui, car il avait perdu son GSM. Il était hyper mal de savoir que je l'ai pris pour un voleur. Rouler à trois devant, devant une camionnette, avec le levier de vitesse entre mes jambes, on peut acheter de la viande grillée et autres saucisses sur le bord de la route. Je suis musicien. Et il y a 2 semaines, je donnais mon premier concert avec un groupe que je venais d'intégrer. Sur l'horaire, je jouais en deuxième partie à 22h, mais au final, on a joué à minuit. Ici, c'est courant. Donc, voilà, les horaires fluctuent, quoi, vous avez compris ça. En fait, dans ce pays, il existe encore une douceur de vivre qu'on a perdue en Europe à cause de l'influence néfaste des Juifs. Les gens ici sont amicaux, chaleureux et solidaires. Un truc que j'ai omis, c'est qu'on peut tout payer en cash. L'argent liquide est encore fortement utilisé. Il existe des endroits où vous pouvez payer vos factures en liquide. On peut enfin garder un contrôle sur son argent. Et ça, c'était signé El Chapo del Ocho Ocho, hein, 88 HH Hitler. Alors, voilà, donc ça, c'est 2 témoignages directs. Hein. Alors, un camarade qui est allé dans la partie sud du continent, notamment en Argentine. C'est vrai que c'est des très grands espaces, hein. Il y a des Gallois en Argentine notamment, donc vous imaginez des Gallois, le pays de Galles, qui parlent encore leur langue là-bas, c'est assez fascinant. Le deuxième camarade, El Chapo, il est parti avec sa compagne, définitivement, hein, s'installer au Paraguay. Hein, voilà, donc ça c'est 2 exemples concrets. Donc une personne qui veut y aller, définitivement, après y avoir été respirée, et un couple qui a décidé de définitivement s'y installer, et vous avez entendu donc le témoignage. Alors là-dessus, chers amis, pour revenir au point de départ de la discussion, est-ce que vous conseillez de partir, etc. Bon, bah, moi, je voulais vous partager ces choix-là, qui sont des choix de gens qui, justement, disent « est-ce que je pars, est-ce que je pars pas ?» et ils vont là-bas, ils disent « oui, bon, okay, d'ailleurs, je suis parti, et je le regrette pas. » Voilà, donc je vous donne un exemple. Alors, je pourrais aussi citer des exemples de personnes peut-être qui nous diraient « je suis parti, je le regrette, je suis revenu en courant en France parce que vraiment je n'en pouvais plus ». Bon, mais c'est vrai que c'est pas très courant, il y a quand même une très forte pression à l'expatriation pour des raisons objectives. Hein, voilà. Alors c'est vraiment une mentalité de pionnier à mon avis d'aller en Amérique du Sud puisque le continent est en fait quasiment vide, hormis certaines zones un peu peuplées. L'essentiel de l'Amérique latine et il y a presque tout à faire, donc surtout pour des blancs entrepreneurs. Effectivement, pour des jeunes gens qui ont envie un peu de partir à l'aventure et de sortir de l'asile psychiatrique à ciel ouvert qu'est la France et l'Union européenne, c'est une excellente destination. Après, bon, j'attends aussi pour les témoignages ici, c'est plutôt des voyages de courte durée ou alors des installations pour l'instant de courte durée. Faut voir comment ça tient plus longtemps, entre 5 et 10 ans. Je pense qu'on peut vraiment ouais. faire un bilan sur son installation et sur le fait d'apprécier, de sentir le mal du pays et ainsi de suite. Effectivement, au départ, quand on voyage comme ça, on a plutôt tendance à voir les bons aspects. Moi, sans rire, j'ai déjà rencontré des étrangers qui me disaient qu'ils adoraient la France, que c'était vraiment un pays magnifique et qu'on s'y sentait si bien. Donc, je trouvais ça assez amusant. Ouais. En fait, on se rend compte des choses une fois qu'on y vit vraiment pendant quelques temps, qu'on s'intéresse à la politique locale, qu'on voit un peu les magouilles qui ont lieu, parce que bon, il y aura toujours des problèmes de corruption un peu partout, et je pense que l'Amérique latine est très loin d'être exempte de ce problème. Mais bon, voilà, l'idée c'est d'en faire de faire son lit et de s'y coucher. Donc il faut faire son trou, comme on dit, là où quelque part où on se sentira bien, on se sent en phase. Et je pense que pour revenir un peu plus tôt à la question, il y a beaucoup de gens qui ont par exemple des attaches à l'étranger ou qui ont déjà un membre de la famille qui est parti à l'étranger dans un autre pays, qui vont voir, et c'est ce genre de choses qui déclenche en fait un départ de France. Mais sinon c'est plus compliqué et on risque, enfin disons qu'il y a une période de recherche avant de trouver où est-ce qu'on veut aller, c'est toujours un peu plus difficile à mon avis. La question fondamentalement elle s'explique assez bien, c'est-à-dire que les gens, il y a un nombre croissant de gens, d'ailleurs pas nécessairement de droite, d'extrême droite ou quoi, hein. En tout cas pas qui n'ont pas fait un cheminement clair au plan politique dans leur esprit, mais qui ne se voient pas d'avenir en France. Et ça, c'est nouveau, je veux dire, en termes relatifs, mais c'est quand même très récent. La France était un pays qui était réputé justement pour être finalement un pays sans grand problème, en raison de sa géographie. C'était un pays qui était vraiment protégé finalement à bien des égards, parce qu'il y a déjà des grandes frontières naturelles, et à l'exception des guerres avec l'Allemagne, grosso modo, c'était un pays qui n'avait pas de risque géopolitique important sur son sol, quoi. Et pas d'émigration pendant très très longtemps. Pour cette raison. Même si la France, voilà, il faisait trop bon vivre en France. Ouais. Et maintenant, ça change très vite. Entreprendre, travailler, quelle visibilité y a-t-il ? Il n'y en a pas. Parce qu'il y a cette énorme bureaucratie étouffante sur le dos. On a. Et puis en plus, il y a l'immigration et la politisation de l'immigration, je veux dire, par la gauche et l'extrême gauche, qui. Alors déjà, ces populations sont insupportables, mais elles sont utilisées politiquement, tantôt par l'État, tantôt par des bureaucrates, tantôt par des politiciens, pour. Eux, dans leur petit jeu politique, essayer d'avancer leur pion, ce qui les rend encore plus insupportables, et au bout d'un moment, vous n'en pouvez plus. C'est-à-dire que vous payez énormément d'impôts en France. Ça, c'est vraiment central, je veux dire. Payer des impôts. C'est la part de votre travail. Donc vous dites, bon, je bosse, il y a des impôts. D'accord, mais vous dites, mais pour faire quoi ? Où ça va ? Et quand vous regardez, vous savez très bien où va votre argent. C'est-à-dire qu'il va dans le tonneau des Danaïdes de l'immigration. Je voyais là, juste là, avant-hier ou hier, une réaction, je crois, je sais plus qui était, je me demande si c'était pas Olivier Véran, mais si c'était pas lui, c'était Brown, je crois que c'était Brown, donc le juif qui gère le ministère de la Santé, là, après Bouzine, n'est-ce pas ? Il disait, mais si c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre, mais peu importe, le propos était le même, il faut que les Français, il faut que les mères de famille arrêtent de se précipiter aux urgences pour une bronchiolite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème des urgences en France, c'est les mères de famille qui vont avec leurs gamins parce qu'elles pensent qu'ils toussent. Il y a toujours eu des mères de famille en France, il y a toujours eu des bronchiolites, ça n'a jamais fait saturer les urgences. Pourquoi sortir des trucs comme ça ? On sait très bien ce qui fait saturer les urgences. C'est tous les bougnoules et les nègres qui se foutent sur la gueule et qui terminent aux urgences parce qu'ils ont un coup de schlasse dans la cuisse, parce qu'ils se sont fait ouvrir la gueule à coup de bouteille de bière, etc. Les mecs parlent pas français. Et quand ils arrivent là-dedans, ils menacent tout le monde de mort. Okay, c'est ça, les urgences aujourd'hui dans toutes les grandes villes françaises. Donc qu'est-ce que ces politiciens de merde viennent raconter des trucs comme ça ? Le problème, c'est que la population française, l'air de rien, même si elle est longue à la détente et même si elle a des enfants, bon, à l'usage et à l'usure, ils tirent quand même quelques conclusions dans leur... en back-office, si vous voulez. Ils discutent quand même, oui, on discute quand même dans les repas de famille. Au bout d'un moment, les gens ils parviennent à la conclusion. Et disent, non, mais tous ces responsables politiques, ils se foutent complètement de notre gueule. Ils se foutent totalement de notre gueule. Mais même ouvertement, on en arrive où c'est ouvert, quoi. Donc les gens, ils disent, bon, je reste ici, je bosse, je paye des impôts comme un dingue, je vois qu'il y a de plus en plus de pognon qui est donné à n'importe qui, je vois la dette qui monte jusqu'au plafond. Moi, j'en ai pas pour mon pognon. Et en plus, tous ceux qui en bénéficient me regardent dans la rue avec, bizarrement, comme une envie de m'égorger. Et quand je trouve ça bizarre, j'ai tous les médias qui m'expliquent que je suis un enculé de fasciste. Bon, dans un climat pareil, vous n'avez pas envie tellement de faire du zèle, vous comprenez ? Donc, c'est pour ça que progressivement... Alors, souvent, c'est diffus, parce que moi, je le formule comme ça, mais les gens, ils parlent pas en ces termes, ils se disent même pas les choses en ces termes, ils se disent, oh, j'en ai marre de bosser, alors que où va mon argent ? Et vous voyez, le côté peu gratifiant du travail, les gens veulent travailler, c'est pas le problème qu'ils sont pas travailleurs, mais c'est qu'on veut, on veut être sûr que ce qu'on fait, ça revient pour nous, pour sa famille, et pouvoir poser des fondations, bâtir, enfin, c'est l'instinct naturel de l'homme blanc, quoi, hein, voilà, et, en France comme ailleurs. Or, là, c'est systématiquement découragé. Donc les parasites sont encouragés, l'homme blanc dans son travail est découragé. Donc ça le fait déprimer, et au bout d'un moment il se dit, mais qu'est-ce que je fous ici ? C'est quoi exactement la fonction ? Et il se dit, bon bah en fait je suis un larbin et je suis bon qu'à payer quoi. Et là, il y a des mecs qui se disent, bon, bah, si c'est comme ça, moi, je vais me casser, j'en ai marre. Oui, puis t'as pas tout dit dans le tableau. On peut aussi parler de toutes les contributions sociales qui vont pas quoi à l'immigration. Il y a aussi tout ce qui est le système de retraite. Quelqu'un qui arrive aujourd'hui sur le marché du travail en France à 25 ans, il touchera sa retraite de manière optimiste à partir de 65 ans. Mais dans 40 ans, qui nous garantit aujourd'hui qu'il y aura un système de retraite ? On est en 2022, un mec de 25 ans, il se projette dans 40 ans, 2062, est-ce que la CAF sera encore là ? Il suffit d'y réfléchir deux secondes pour dire que c'est complètement délirant de contribuer à un seul centime d'euro à un système comme ça. Et on n'a pas le choix parce que le système est marxiste, il a été fait par des communistes en 45. On peut pas dire « bah non, moi j'aimerais bien toucher mes sous, les placer, acheter quelque chose avec cet argent plutôt que de le mettre dans ce truc qui est ensuite immédiatement dépensé par des boomers pour s'acheter des croisières. » Mais bon, il n'y a pas que ça. Tout est orienté vers payer des parasites. Mmh. Quand on regarde sa facture EDF, il y aura une ligne « autre ». Alors, si on s'intéresse à ce qu'il y a dans autres, eh ben, on va nous dire, bah, c'est les gens qui peuvent pas payer, c'est tout un tas de trucs débiles, genre les Roms qui se branchent sur le réseau, qui prennent du jus, voilà, bah, c'est dans autres que tu payes, enfin, systématiquement, en fait, tout est fait pour être dégoûté, pour essayer de devenir un parasite dans le système, finalement. Ou alors, de trouver des moyens de ne pas y participer. Il y a les gens qui réussissent vraiment, les gens qui roulent dans des belles bagnoles en France, c'est des gens qui trouvent le moyen de frauder. Ils trouvent le moyen de pas payer ce qu'ils devraient payer. Par exemple, des mecs qui montent des pizzerias avec des camions de pizza, des ronds-points, tout ça. On sait pourquoi les mecs, au bout de quelques années, ils en sont à leur 4e ou 5e camion, parce qu'ils déclarent pas la TVA, ils gardent tout et ça roule. Mais enfin, je leur en veux pas, je leur jette pas du tout la pierre. Ils ont plus que raison de pas reverser son obol à cet état totalement obèse et oppressif qu'est l'état français. Mais bon, c'est pour dire que en fait, finalement, rester en France aujourd'hui, il faut avoir soit un objectif, disons politique, par exemple se présenter à des élections locales, essayer de briguer des postes à des endroits et d'influencer la politique locale. Donc, je sais pas moi, des gens qui sont au conseil départemental ou maire ou je ne sais quoi, ils peuvent avoir peut-être un impact sur est-ce qu'on installe un centre de migrants dans leur commune ou oui, quand on a cette trempe et cette capacité, ça vaut probablement le coup de rester en France. Ou si on arrive à monter son business, à faire des affaires tout en optimisant, on va dire, alors ça peut valoir le coup. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui veulent être réglo et qui veulent pas forcément faire de la politique, qui sont plutôt bosseurs, ils ont pas grand chose à gagner à rester en France. Bah ouais, c'est ça le truc. Et en plus, l'histoire de la projection, c'est on se projette pour quoi ? On se projette pour avoir des gosses. Donc ça c'est aussi le truc, c'est-à-dire que tu dis je reste en France, mais normalement la suite logique, je reste en France non seulement parce qu'il y a un environnement qui est favorable pour le travail, mais ensuite le fruit du travail je vais l'investir dans mes gamins, dans mon... Or là tu dis ouais mais attends, c'est quoi qui se balade dans les rues? Donc vous avez toute l'affaire Lola notamment, là on va en parler un peu. Tu te dis ah ouais ok, donc en fait ma gamine ou mon gamin qui est mon espoir, on peut me la prendre du jour au lendemain, l'égorger parce qu'on a fait rentrer des bougnoules, parce qu'on n'a pas voulu les virer, parce qu'ils sont pris en charge par tel organisme subventionné, parce que la guerre d'Algérie, ouin, c'est pas bien le colonialisme, etc. Et ouais, mais ma gamine, elle est plus là. Ça fait cogiter les gens, ça. Les gens, ils ont peur pour leurs enfants, attention, ça les fait cogiter. Donc, moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Quand il y a Darmanin, cette espèce d'ordure qui passe là, il dit oh, « c'est scandaleux !» Oui, oui, mais raconte bien ce que tu veux. Mais les gens, ils font quand même leur calcul, l'air de rien. Donc, ce qu'ils ont, ils ont un vrai problème, c'est que la France devient un pays d'émigration. Donc, c'est un pays d'immigration, au sens où le tiers-monde réplique de partout pour bouffer gratis, à cause de cet état socialo-communiste, dirigé par Macron, l'encocaïné. Mais attention, tu importes des demeurés à 75 de QI qui peuvent péter dans leur tête un câble, tu sais pas pourquoi, ils prennent un couteau, ils tuent un vieux, ils tuent un... À la limite, ils rendent peut-être service à la France quand ils tuent un boomer, mais je veux dire, quand ils tuent à l'aveugle pour une clope, un regard, une bière, ils savent pas eux-mêmes, je veux dire, c'est les fruits de l'inceste sur 13 siècles, ils savent rien, ces gens, vous voyez, bon, c'est importé en masse de Mogadiscio et d'ailleurs... Tu veux pas vivre ensemble. Moi, c'est cette formule-là, et on vit ensemble. Mais déjà, quand les gens ont été sollicités, consultés là-dessus, je suis désolé, il y a eu aucune consultation pour demander aux gens s'ils voulaient vivre avec l'Afrique dans leur ville. Jamais. Donc, tu les mets devant un fait accompli et ils sont censés avaler la pilule en souriant. Ben non. Ces politiciens français, depuis 50 ans, ont saccagé le pays. Faut pas chercher ailleurs. Alors, avec la complicité tacite de beaucoup de Français. Hein. Parce que, faut pas regarder trop en haut, faut regarder aussi un peu en bas, hein. Je veux dire, il y a quand même eu des élections, je veux dire, il y a quand même des gens qui ont remis une pièce dans le jukebox à chaque fois, hein. Je veux dire, bon, au bout d'un moment, ça se paye. Alors, les nouvelles générations qui, elles, c'est pour ça que je suis quand même plus tendre avec les jeunes, parce que, eux, ils font face à une conséquence, c'est-à-dire, ils étaient pas nés, ils ont pas pu... Tu peux pas leur faire le procès de la politique du fait accompli dans laquelle ils se retrouvent empêtrés, quoi. Contrairement aux boomers qui, eux, ont sciemment détruit le pays qu'ils ont reçu de leurs parents. Alors, enfin, je veux dire, ils l'ont détruit, quoi. Genre, sciemment, quoi. Alors, bon. Et eux, ils peuvent se dire, effectivement, que non. Alors après, ça veut pas dire expatrié égale quelqu'un qui a tout compris de tout. Et il est d'accord sur la nature des problèmes de la France, parce qu'en réalité, il y a beaucoup. Non, oui, bien sûr. Ouais, il y a beaucoup de gens qui quittent la France simplement pour des raisons financières, même parfois qui se sont dit ah non mais j'en peux plus, mais attends les Maghrébins, les Algériens, le tiers-monde, ça craint, non voilà. Mais dès qu'ils sont à l'étranger, c'est comme les musulmans, ils se remettent dans le même schéma mental gauchiste et on recommence. Et ils se mettent à se faire les vecteurs du pourrissement du pays où ils atterrissent. Attention à ça aussi, hein. Les Français sont les champions de ce genre de truc. La diaspora française, c'est pas une diaspora de fascistes, hein. C'est une grosse diaspora de gauchistes, hein. Ils veulent tout dépend du pays. Tout dépend du pays d'Europe de l'Est. oui, je vois ce que tu veux dire. Mais quand même, globalement, c'est ça, quoi. Donc en fait, les gars, c'est le beurre, l'argent du beurre et le soir de la crémière, quoi. Hein. Voilà, je me casse parce que j'en ai marre que la France soit un pays de bougnoule où je paye des impôts comme pas permis, il n'y a rien qui marche. Je vais dans un pays plus fonctionnel. Qu'est-ce que je fais? D'abord, je me mets à me plaindre parce que bon, sinon, je suis pas français, donc je me mets à me plaindre dans le pays où je suis. Ça va pas. Oui, ils sont pas français. T'as remarqué, c'est pas tout à fait le même pays. Non, mais c'est ça. Ils se plaignent parce que c'est pas la France, en fait. D'accord, ok, d'accord. Mais pourquoi t'es parti de France? Ah, parce que c'est la merde. Bon, mais essayer d'établir un lien logique, il y a peut-être une raison. Et ensuite, quand ils arrivent, ils veulent recréer les conditions de l'échec français, quoi. Tu vois, ils disent ah non, mais quand même, le racisme. Ah, il faut donc. Ah, qu'est-ce que tu veux, des bougnoules, des nègres? Ok, d'accord. Ah ouais, mais là, oh, c'est cher. Quand même. Ah oui, donc tu veux plus d'impôts, alors. D'accord. Bon, reste en France. Voilà, bon, je vais pas m'étendre trop, mais quand même, quoi. Je dis pas que tous les expatriés sont comme ça, hein, je veux dire, mais c'est souvent le cas, quoi. C'est souvent le cas. Tu les vois dans le vote, hein, vous avez qu'à regarder le bilan des votes en 2020. Enfin, c'est atroce, quoi, quand tu vois les plébiscites de Macron en Amérique du Nord et ailleurs. Mais je veux dire, voilà, je vais pas me lancer dans trop. Je veux dire, c'est odieux, quoi. Sauf, bon, les Français de New York, je comprends qu'ils votent Macron. Surtout que la moitié doit être circoncis, mais franchement, je veux dire, faut arrêter, quoi. Je veux dire, faut arrêter. Quoi. Vincent, sur Lola, tu voulais en parler. Eh bien, oui, je voulais en parler parce que. Non, tu as raison, on ne va pas revenir sur les faits que tout le monde connaît. Ce qui, moi, m'a choqué dans cette affaire, et ce qui me choque toujours, d'ailleurs, c'est pas la première fois, c'est qu'on nous accuse de récupération. Notamment, hein, je vous rappelle, Olivier Véran, qui a comparé les gens qui récupéraient cette affaire pour dénoncer la politique d'immigration à des charognards. Alors ça, c'est toujours, ça obéit en fait à leur logique qui consiste à dire qu'il y a des bonnes victimes et des mauvaises victimes. Et hélas, eh bien, cette jeune demoiselle, Lola, est une mauvaise victime. Elle est une mauvaise victime, non pas en elle-même, mais à cause de l'agresseur. Alors, quelle est la différence pour ces gens-là entre les bonnes et les mauvaises victimes? Eh bien, c'est que les mauvaises victimes, on les plaint, parce que naturellement, personne va dire « Lola, elle l'a mérité », tous les politiques sont les premiers à dire « Oh, c'est terrible, c'est des conditions atroces », mais c'est tout. On n'en tirera aucune conclusion pratique en matière de politique. Donc ça, c'est les mauvaises victimes, à la Lola. Et les bonnes victimes, on les plaint et on s'en sert pour avancer politiquement, pour avancer ses pions, pour faire ses lois. Et ça, c'est de la récupération. C'est de la récupération. Alors, moi, ce que je voulais un peu commenter, c'est comment répondre quand on nous accuse de récupération. Pour moi, c'est ça qui est important. Parce que nous accuser de récupération, en fait, c'est nous intimider, et c'est un peu une espèce de terrorisme intellectuel. Donc, comment répondre à cela? Bien, je pense qu'il faut dire, mais la récupération, parce qu'on récupère toujours un fait divers, elle serait illégitime si on s'emparait d'un fait divers unique pour condamner une politique de façon générale ou appeler à prendre des mesures de façon générale, des mesures qui ne se justifieraient nullement. Je vais prendre un exemple très simple. Imaginez une île où chaque année, il y a un petit pourcentage d'immigration. Donc, pas d'immigration galopante, mais un petit pourcentage des gens qui arrivent en bateau et qui s'installent sur l'île. Et tout se passe bien, les gens s'assimilent parce que bon, ils sont très très minoritaires. Et on va supposer qu'un jour, il y a des immigrés de fraîche date qui sont arrivés, qui ont un problème et ça se termine, ils tuent quelqu'un. Voilà, mais c'est la première fois que ça arrive. Et on va imaginer maintenant que les gens disent, bon ben puisque c'est ça, tous les gens qui ont immigré depuis moins de 10 ans vont être bannis de l'île. Ils ont ordre de partir. Là, il est évident que ce serait une récupération illégitime. On pourrait dire aux gens, mais non, écoutez, tout s'est toujours très très bien passé, il n'y a eu aucun problème, vous n'avez jamais rouspété contre les quelques immigrés qui arrivaient, donc maintenant, ne faites pas de ce fait divers regrettable, certes, ne vous en servez pas pour prendre des mesures tout à fait générales qui sont illégitimes. Ça, ce serait une récupération illégitime. Mais dans l'affaire Lola, ce qu'il faut dire, c'est que nous n'avons pas attendu l'affaire Lola pour dénoncer la politique irresponsable, voire criminelle, appliquée depuis des années en matière d'immigration par les gouvernements successifs. Nous n'avons pas attendu cette affaire. Ça fait des années, des lustres que l'on dénonce cette politique. Notre dénonciation n'est donc pas une dénonciation de circonstances, mais à cause des circonstances générées par l'affaire Lola, notre dénonciation doit être prise en compte. C'est ça qu'il faut dire. Encore une fois, donc, on ne réagit pas à des circonstances. Non, ça fait des années qu'on le dit. Mais maintenant, à cause de l'affaire Lola, nous élevons la voix. Alors, on va nous dire, ouais, bon, c'est un peu jésuitique cette argumentation. Mais pas du tout. Pas du tout, parce que c'est comme ça que la société fonctionne. Et il est tout à fait normal. Encore un petit exemple qu'on pourrait appeler cas d'école. Imaginez, dans une usine, on me dit, ah, vous savez que dans l'atelier peinture, par exemple, les conditions d'hygiène et de sécurité sont pas optimales. Et puis un jour, dans l'atelier soudure, il y a une explosion, il y a un terrible accident. Et à ce moment-là, moi, je vais dire, ah ben ouais, bon, ben, faudrait peut-être en profiter maintenant pour voir dans l'atelier peinture, là, parce que ça va pas très bien. Personne n'aurait l'idée de me dire, oh, mais vous récupérez, c'est scandaleux. Ne vous occupez pas de ce qui s'est passé dans l'atelier soudure pour parler de votre atelier peinture, etc. Ça n'a rien à voir. Mais si, ça, c'est parce que depuis le temps que je dénonce ce qui se passe ici, quand là il y a un événement très grave qui est lié, là j'en parle. Et ben l'affaire Lola, c'est exactement ça. Vous, une jeune fille qui est massacrée par une immigrée en site qui était sous le coup d'un arrêté d'expulsion pas fait. Comme il y a des milliers d'arrêtés ou d'expulsions qui ne sont pas réalisés, eh bien maintenant nous élevons la voix, et c'est tout à fait logique. Et alors nos gouvernants ont d'autant moins de leçons à nous donner que ce sont les spécialistes de la récupération pour avancer leur propre pion, c'est-à-dire de la récupération avec des bonnes victimes. Celles qu'on utilise, qu'on exploite politiquement. et je voudrais prendre deux affaires, parce que je ne veux pas parler dans le vide, je ne veux pas rester dans la généralité, ça ne sert à rien. Je vais prendre deux affaires très précises qui ont permis à la France de renforcer la dictature dont tout le monde ici se plaint. La première affaire, c'est l'affaire Sébastien Nouchet. Je ne sais pas si les plus âgés s'en souviennent, c'est cet homosexuel qui, le 16 janvier 2004, a été retrouvé et brûlé au troisième degré dans son jardin. Je crois que c'était à Neuilly-Mines. Oui. Il a accusé trois hommes de l'avoir agressé, aspergé d'essence et de l'avoir brûlé. Eh bien, avant même que l'enquête se termine, parce que c'est ça, pour Lola, on nous dit, mais attendez la fin de l'enquête, et puis quand même respecter la douleur de la famille, n'allez pas commencer à faire des exploitations politiques, hein, c'est trop tôt. Avant même, dans l'affaire Sébastien Nouchet, l'état de l'enquête, immédiatement, là on n'a pas parlé de la douleur de la famille, de la victime, non, avant même ça, des gigantesques des manifestations de soutien, le président de la République écrit au compagnon, parce que Sébastien Nouchet c'était un homosexuel qui vivait avec un compagnon, il écrit au compagnon pour lui manifester sa profonde indignation face à ce crime odieux, ce sont ses propres termes. Le premier ministre de l'époque, Jean-Pierre Raffarin, écrit lui aussi au compagnon de la victime, et à l'époque le garde des Sceaux, donc lié au ministère de la Justice, qui s'appelait Dominique Perben, reçoit la mère de la victime ainsi que son compagnon. Il dénonce une agression odieuse à caractère homophobe et demande au parquet de Béthune d'agir avec la plus grande fermeté. Alors si ça déjà c'est pas de la récupération immédiate, qu'est-ce que c'est? Et alors, après cela, l'enquête n'a pas abouti, il n'y a même pas encore de mise en examen. Le 7 février, il y a une pétition nationale de SOS Homophobie, donc toujours qui réagit à l'agression de Sébastien Nouchet, hein. Eh bien, mais elle ne demande pas seulement une enquête, elle ne demande pas seulement une répression contre les agresseurs présumés, non. Elle demande l'inscription de la lutte contre toutes les discriminations et contre l'homophobie dans la Constitution, déjà. Elle demande la mise en place d'une politique efficace de prévention de l'homophobie, de la lesbophobie, blablabla, en milieu scolaire et dans les organismes publics. Elle demande la condamnation des discriminations liées à l'orientation sexuelle au même titre que sont condamnés le racisme et l'antisémitisme. Elle demande la pénalisation de l'incitation à la haine homophobe et de l'adoption nécessaire à la reconnaissance du couple homosexuel au même titre que le couple hétérosexuel. Et elle demande en plus dans cette pétition l'accès à l'adoption et à la procréation médicalement assistée pour les couples de même sexe. Donc si ça, c'est pas de la récupération, qu'est-ce que c'est? Parce que vraiment, là, on nous sort tout. Tout au motif qu'il y a eu cette agression. L'enquête se déroule. Le 12 mai, il y a un suspect qui est arrêté, qui s'appelait Yannick Cornuel. Bien. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dira plus tard? Eh bien, cette affaire va accélérer l'idée d'une loi contre l'homophobie. Et en effet, le 30 décembre 2004, alors qu'il n'y a pas eu de jugement, alors que la personne, ce Yannick Cornuel, est toujours en préventive, eh bien, le 30 décembre 2004, il y a un texte qui est adopté. Alors, ce n'est pas une loi, mais c'est un texte qui prévoit l'extension du régime existant pour les discours antisémites aux discours homophobes. C'est-à-dire que le 30 décembre 2004, la France dit « Ok, maintenant, l'homophobie, alors ça recouvre des tas de trucs, hein, sera condamnée pénalement au même titre que l'antisémitisme et naturellement que le racisme. » Et deux ans plus tard, en septembre 2006, l'affaire se termine par un non-lieu. Yannick Cornuel obtient une relaxe, il obtient un non-lieu, parce que les juges le disent eux-mêmes, on ne sait rien de cette agression. Et je vous rappelle que ce Sébastien Nouchet, cet homosexuel, il avait dit qu'il avait été agressé par trois hommes, et dans l'un des trois qu'il avait nommé, à l'époque des faits, il était en prison le mec. Donc déjà, vous voyez, l'agressé qui commence à lui dire « Oui, il y avait lui !»« Ah ben non, monsieur, il était en prison. » Donc, l'affaire se termine par un non-lieu. Ben là, on devrait dire, ben attendez, là, toute la machine de répression de l'homophobie, ça devrait s'arrêter. Pas du tout. La machine est engagée, et donc, déjà, on va obtenir une répression de l'homophobie, entre guillemets, et dans les années qui vont suivre, tout le mariage homosexuel, l'adoption, etc., tout va être acquis. Alors ça, si c'est pas une affaire où le pouvoir a récupéré immédiatement, sans attendre, ce qu'on a appelé une agression, on ne sait pas maintenant ce qui s'est passé vraiment, mais enfin bon, supposons même qu'il y a eu une agression, donc si c'est pas une affaire où ça a été récupéré tout de suite, ça a été exploité tout de suite, pour ensuite se terminer par un non-lieu, mais la machine a continué, qu'est-ce que c'est? C'est la première affaire. Et la deuxième affaire, et j'en terminerai avec ça, qui est manifeste, qui est évidente, encore plus évidente, et là-dessus, moi, je la connais d'autant mieux qu'elle me concerne, c'est à cause de ça qu'un jour, j'ai été mis en prison, enfin, quatre reprises d'ailleurs, c'est l'affaire anti-révisionniste, c'est l'affaire de la loi Guesso. Je vous rappelle qu'en fait, cette loi, l'idée est apparue en 1987, notamment après l'affaire du détail de Jean-Marie Le Pen. Mais à l'époque, eh bien, chose qui pourra paraître très très étonnant, notamment aux jeunes générations, c'est que la droite molle, la droite du gouvernement, le RPR, ne voulait pas de cette loi, parce qu'il disait « ce n'est pas au juge de dire l'histoire ». Et donc, aujourd'hui ça ne se verrait plus, hein, ce serait de la science-fiction, mais à l'époque, la droite de gouvernement, donc la fausse droite, mais résistait. Finalement, ça a traîné très longtemps, et le 2 mai 1990, le projet de loi a été adopté par l'Assemblée nationale. Seulement au Sénat, c'était la droite qui était majoritaire et on savait que ça ne passerait pas. Le Sénat résisterait encore. Donc le 2 mai 90, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi. Qu'est-ce qui se passe une semaine plus tard? Les gens de ma génération s'en souviendront. Une semaine plus tard, dans la nuit du 8 au 9 mai 1990, profanation du cimetière de Carpentras. Un juif est prétendument, retiré de sa tombe, son cercueil est ouvert, est-il empalé ou pas sur un pied de parasol, on ne sait pas, peu importe. Bref, une semaine après. Là encore, va-t-on attendre la fin de l'enquête? Absolument pas. Le 14 mai, manif à Paris, manif monstre avec des gens qui portent l'étoile jaune, nous sommes tous des juifs, patati patata, bon, je ne fais pas le dessin. Eh bien, les discussions pour la loi anti-révisionniste arrivent au Sénat. Eh bien, comment le ministre de la Justice de l'époque, le garde des Sceaux, Pierre Arpaillange, va défendre le projet de loi? Je vous cite texto ce qu'il dit, parce que j'ai les textes. Il dit « Le racisme est présent en France comme dans d'autres démocraties et il se manifeste sous bien des formes, parfois clandestines, parfois violentes, jusqu'à l'horreur absolue de Carpentras, cette parodie sinistre de l'Holocauste. » Donc la France venait de vivre un nouvel Holocauste avec Carpentras. Et on en était là. Au Sénat. Et il continue. Le 14 mai dernier, 200 000 personnes ont manifesté leur émotion après les événements de Carpentras. Je m'y trouvais comme beaucoup d'autres. Ce fut comme si le pays se réveillait, se mobilisait devant l'urgence qu'il y avait à reprendre un vieux combat. Alors si ça, c'est pas de la récupération, alors que l'enquête a à peine commencé. Hein, à peine. Non. Eh bien, tout de suite, ils arrivent au Sénat en disant « Voilà, on va vous demander de voter une loi anti-révisionniste, hein, mais il y a Carpentras, hein, il faut quand même aujourd'hui le faire. » Et ce qu'il dit, pour donc justifier en demandant au Sénat de voter pour cette loi, il dit « Les événements récents, avec leur horreur imprévisible, nous ont montré que certains faits de racisme et d'antisémitisme ne pouvaient pas être, en l'état du droit, punis avec toute la sévérité nécessaire. » Il parlait du révisionnisme, qui à l'époque n'était pas condamné. Peu après les événements de Carpentras, je l'avais d'ailleurs publiquement regretté. Donc peu après Carpentras, il dit « Maintenant, il faut punir le révisionnisme ». Et à l'époque, il y avait une caricature qui est parue dans Le Monde où on voit deux skins avec des brassards, je crois FN ou je sais trop quoi, qui ont sous leurs bras des livres révisionnistes et qui se moquent de Carpentras. Déjà, donc toute une organisation. Et face à cela, la droite dit « Mais non, là vous êtes… » On raisonne sous le coup de l'émotion, là, on est, vous nous demandez de voter une loi de circonstance, c'est pas maintenant, pour l'instant, la France est sous le coup de Carpentras, calmons-nous. Et à ce moment-là, la communiste Jacqueline Fraisse-Casalis monte à la tribune et dit, cette proposition de loi n'est pas de circonstance, même si les circonstances exigent effectivement son adoption. Donc c'est typique de la dialectique que j'ai fait tout à l'heure. Il faut leur répondre non, notre discussion n'est pas de circonstances, mais les circonstances font, suite à l'affaire Lula, qu'on doit parler maintenant de l'immigration et de votre politique criminelle d'immigration. Et si vous dites que nous récupérons, vous avez fait la même chose, vous avez tenu les mêmes propos avec la loi antirévisionniste. Et Jacqueline Fraisse-Casalis termine en disant « On ne peut pas, sauf à tolérer Carpentras, accepter le révisionnisme et la négation du génocide. » Donc, elle disait « Si vous êtes contre la loi antirévisionniste, c'est que vous tolérez Carpentras. » Voilà. Et la loi qui, depuis 3 ans, n'arrivait pas à passer, sera promulguée 1 mois plus tard. Enfin, ces discussions ont lieu le 11 juin et le 13 juillet, la loi est votée et promulguée. C'est-à-dire qu'en France, que ce soit pour l'homophobie et tout ce qui s'ensuit, que ce soit pour l'antirévisionnisme, donc pour tout ce qui est la répression idéologique, ils n'ont pas cessé de récupérer des faits divers. En plus que Carpentras, à tel point c'était pas une opération montée, je ne sais pas. Parce que violer une tombe, c'est pas évident. Hein. C'est pas un groupe de skins avinés qui aurait pu faire ça. Hein. J'ai aucun mépris pour les skins, mais... Je veux dire, j'en ai côtoyé assez, ça m'étonnerait qu'ils aient pu faire ça. Bon, ça veut dire que pour eux, il y a les bonnes victimes, voilà, Sébastien Houché, un homosexuel, Félix Germont, un juif qui était déjà mort, mais dont on a exhumé le cadavre, soi-disant, ça c'est des bonnes victimes. Donc, on peut récupérer avec eux, ça c'est bon, on peut avancer nos pions, réaliser notre agenda politique. Et puis, il y a les mauvaises victimes, parmi lesquelles, il y a Lola. Lola, c'est une blanche, oui. Et bien sûr, elle aurait été massacrée par des skinheads parce qu'elle aurait distribué je ne sais trop quoi. Oui, non, là, ça aurait été une bonne victime. Mais vous comprenez, c'est une blanche et surtout, elle est victime d'une immigrée en situation irrégulière. Ah non, non. Là, il faut attendre la fin de l'enquête, il faut respecter la douleur et surtout, ne pas stigmatiser une communauté. Je pense que de toute façon, le personnel politique fidèle à lui-même est dans le pas de vaguisme. On veut pas faire de vagues. Donc, quand il y a des vagues, on essaye de simplement tenir la barre pour pas chavirer. Donc, ça consiste à tenir là où ils sont et pas vraiment faire de déclarations qui puissent... En fait, personne dans le champ politique français veut avoir un moment détail de l'histoire comme Jean-Marie Le Pen. Donc, ils sont tous là, apeurés, vaguement Zemmour et aller à la manifestation, mais non. Enfin, en fait, il y a deux choses que je trouve à dire à ce sujet-là. La première, c'est que une OQTF, ça m'a toujours semblé un concept très intéressant, c'est-à-dire que l'État français émet un document sans conséquence. Donc, ils disent, voilà, vous avez une obligation, qui est quand même un mot fort, c'est techniquement un État qui donne une obligation, ça s'impose manu militari, mais en France, non. Si vous prenez d'autres États comme l'État fasciste de Singapour, peu de gens savent parce que souvent on le réfère pas comme tel, mais l'État de Singapour est un État qui contrôle la presse et qui contrôle très bien ses frontières, qui a tout ce qu'il faut dans son appareil répressif et national pour avoir une vraie politique de prospérité. À Singapour, si on vous demande de quitter le territoire, vous avez 30 jours, et si on vous attrape après 30 jours sans avoir quitté le territoire, il va vous arriver 2-3 boutilles du style des coups de bâton et des amendes très sévères, parce qu'ils ont des châtiments corporels pour les gens qui enfreignent la loi. Ça, c'est une obligation. Ça, effectivement, c'est des gens qui se donnent les moyens de leurs ambitions. En France, une QTF, ça n'a aucune conséquence pour ceux qui ne la respectent pas. Et la deuxième chose, c'est que je me suis un peu intéressé à 2-3 reportages de terrain, notamment le reportage de Vincent Lapierre dans le 19e arrondissement, et j'ai pu constater que il n'y avait plus aucun Français là-bas. Enfin, c'est que des métèques. Je le savais déjà, puisque malheureusement, j'ai déjà été dans ce quartier, et j'y vais pas non plus très régulièrement. Mais alors là-bas, c'est vraiment, vraiment grand remplacé à fond. Et les Arabes et les Nègres, ils trouvent que en France, il n'y a pas de justice. Ils sont tous très choqués par ce crime. Ils veulent des réactions de l'État. visiblement. Mais bon, faut quand même pas stigmatiser, hein, parce qu'ils se rendent un peu compte intuitivement que ça pourrait finir par se retourner contre eux. Mais ils veulent quand même que leurs enfants soient en sécurité. Mais enfin bon, le grand remplacement là-bas est totalement acté. Il y a plus personne qui parle français sans accent, qui arrive à s'exprimer correctement, ou alors des vieux gauchistes 68ards qui vont se plaindre que effectivement on parle de cette affaire et que on trouve que c'est quand même particulièrement barbare comme traitement pour une fille de 12 ans. Donc bon, ce qui pose quand même un peu la rien question d'inhabituel. Ça pose un peu la question, en sachant que c'est peut-être une des rares blanches du secteur, pourquoi elle a été ciblée quand même, hein. Oui, pas... mais c'est évidemment mais... l'éléphant dans la pièce dont certains ont parlé. J'ai quand même entendu par exemple Alexandre Cormier-Denis intervenir sur une web radio pour dire que ben c'est évident qu'il y a un caractère ethnique, c'est-à-dire que elle s'est faite viser parce qu'elle est blanche et que cette Algérienne a visiblement pris beaucoup de plaisir à torturer une blanche, et c'est quelque chose qui est assez visiblement parmi les sévices imposés, il y a des sévices sexuels à caractère lesbien aussi, pas le perdre de vue, hein. Oui, il y a eu beaucoup de choses, mais je crois que bah, c'est toujours Alexandre Cormier-Denis qui faisait mention d'un Marocain qui avait expliqué après l'histoire des deux, la Danoise et la Norvégienne, il me semble, qui sont faites couper la tête au Maroc dans l'Atlas. Un Marocain qui avait dit qu'il faut que les Européens comprennent que les individus à peau blanche sont considérés comme des individus de très grande valeur et que donc leur faire subir tout un tas de choses comme ça, c'est un fantasme chez ces populations. Et donc, effectivement, pauvre fille. Il y avait une dimension de sorcellerie aussi maghrébine dans cette affaire, qui en tout cas, c'est une piste qui a été évoquée. Vous savez que l'Afrique est un vieux continent avec des populations très anciennes qui charrient toute une série de croyances, pratiques, rites. Qui nous échappe complètement, et en Afrique du Nord, et il y a la croyance que certaines personnes qui ont les cheveux blonds, ou alors certaines lignes de la main, peuvent permettre, si on les sacrifie rituellement, d'obtenir des gratifications financières. Plus particulièrement en ce qui concerne l'Afrique du Nord avec ce type de personnes qu'ils ciblent, ils croient qu'ils pourront accéder à des trésors qui sont enfouis dans les cimetières. Vous en pensez ce que vous voulez, hein. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé ici, hein, je veux dire, mais c'est une très forte suspicion. Donc c'est lié au phénotype de la gamine. Non, c'est pour ça après qu'ils vont violer les cimetières juifs, s'ils croient qu'il y a des trésors en fait. Je crois pas que les juifs enfouissent leurs trésors dans les cimetières, mais je préfère les placer à la banque. Mais du coup, ça expliquerait en fait. C'est à la fois racial et en même temps phénotypique, des vieilles croyances, mais tout ça est très flou parce que cette nana-là, on nous l'a présentée. Il y a quand même des choses qui ne collent pas dans l'affaire, je veux dire, dans la façon dont ça a été présenté médiatiquement, parce qu'on nous a dit en gros, au tout début quand on a appris ça, on a dit oui, c'était une nana, c'est une SDF, donc une clocharde, quoi, hein, une clocharde maghrébine au QTF, machin, qui se droguait. Alors, bon, quand vous dites clocharde, maghrébine, droguée, bon, dans la tête des gens, ils disent, ils imaginent l'épave, vous voyez, défigurée, peut-être prise de folie, saute sur une gamine, et puis vous voyez la nana sur Instagram, et vous voyez la beurette complètement accomplie, en mode selfie, je fais des vacances à la plage et tout. Chose qui colle pas, vous dites. Bon, donc je vais pas ici refaire un semblant d'enquête, ça serait stupide puisqu'on n'a pas les éléments. Mais on a vu qu'il y avait des choses qui ont été dites et affirmées qui ne collaient pas, des choses qui n'ont pas été dites, qui auraient dû être dites et qui n'ont pas été évoquées, etc. Bon, peu importe. Donc on voit qu'il y a, mais en tout cas on voit, enfin de manière sous-jacente, il y a une dimension raciale. Hein. Voilà, ça c'est le truc central, c'est la dimension raciale. Ensuite les motivations de l'Algérienne avec le, je veux dire tout le passif ethnoculturel. Hein, je veux dire qu'est-ce qui la motive à passer à l'acte. Bon, ça c'est pas la peine de rentrer là-dedans, mais il y a une dimension raciale. Et en fait tout ce qui a été ciblé par le contre-feu médiatique, c'est la réaction d'instinct de survie des Blancs. C'est ça. C'est-à-dire que une gamine blanche se fait sauvagement assassiner par un parasite racial qui ne devait pas être présent sur le territoire. Les Blancs manifestent un réflexe de défense immunitaire. Disent, pour demander l'application de la loi. Ouais, voilà. C'est même pas le Far West, mais je veux dire, il y a un réflexe, et là, paf, ah non, vous pouvez pas faire ça, c'est de la récupération. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, évidemment, Vincent a déjà bien abordé, hein, il a dit, voilà, en fait, il y a eu une bagarre médiatique entre deux camps, entre le camp des Blancs qui veulent vivre et le camp de ceux qui veulent les voir crever. Donc c'était une lutte dont le sous-texte est génocidaire. Et ça, il faut le comprendre. C'est-à-dire que l'ordre qui a été donné par les médias, par Darmanin et toute sa clique, ça a été de dire « Vous ne pouvez pas pleurer sur votre exécution et l'exécution de vos gamins, c'est-à-dire votre disparition physique de ce monde. Vous ne pouvez pas vous plaindre, c'est indigne, c'est scandaleux, c'est immoral. » Il y a eu un combat pour la domination morale. Donc, quelle a été la ficelle utilisée par le gouvernement et les médias? Ça a consisté à présenter les Blancs qui se sont mis en avant pour dire « on veut pas crever, on veut pas que nos gamins soient assassinés par des envahisseurs ». Ça a consisté, en fait, à les délégitimer. Comment? En disant « mais attendez, ce sont des cyniques, vous voyez bien que ces gens-là... Ils se foutent de cette gamine, ça les intéresse pas. Ils ont des calculs politiques en tête, vous comprenez? Donc ils ont cherché à convaincre la masse des Blancs que ceux des Blancs qui montaient au créneau, en fait, agissaient par calcul cynique, froideur, et qu'ils n'avaient pas d'empathie sincère pour cette gamine. Or, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Le cynisme, la froideur, était du côté de ceux qui disaient « circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a aucune conclusion à tirer ». Alors que de l'autre côté se trouvait le camp, bah, finalement, des parents, comment dirais-je, qui par procuration en fait, s'identifient à ce qui se passe et qui descendent dans la rue parce qu'ils ne veulent pas que leur gosse blanc se fasse assassiner, vous comprenez? Donc il y a eu une inversion par les médias et le gouvernement, par la clique de Macron, de la réalité. On a présenté ceux qui se sentaient réellement touchés par ce qui se passait parce qu'ils avaient peur pour leurs gamins comme étant des cyniques et des salauds qui manipulaient politiquement, alors que les autres qui cherchaient à sauver leur cul, à commencer par Darmanin, manipulaient le discours pour ne pas avoir et utilisaient la mémoire de cette gamine pour ne pas avoir à passer à la caisse et continuer à sévir comme ils sévissent. Vous comprenez? C'est absolument hallucinant. Ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'il n'y a eu aucune demande de masse pour que Darmanin tombe. C'est le plus choquant. C'est pas que le départ de Darmanin serait une révolution copernicienne. C'est un ministre. Et on a affaire à un système. Donc le problème, c'est pas une personne. Mais c'est symbolique. Et c'est le minimum syndical. C'est le minimum syndical. C'est indéniable. Le départ de Darmanin aurait dû être exigé par 1, 2, 3, 4 millions de personnes dans les rues. Mais l'anesthésie est générale. Ça, c'est un constat. L'anesthésie est générale. Mais c'est ce qui aurait dû avoir lieu. Et quand on le voit... Quand on le voit arriver en disant « Mais c'est pas l'État qui a tué... » Mais si, c'est l'État qui a tué. Mais évidemment que c'est l'État qui a tué cette gamine. Qui d'autre? Ils font rentrer 400 000 sauvages par an. Ils créent les conditions objectives du passage à l'acte. Qui est responsable? Ce n'est pas les Algériens qui forcent les frontières françaises, les armes à la main. C'est l'ambassade de France qui délivre les visas en Algérie, à ce que je sache. C'est le gouvernement français en France qui n'exécute pas ses propres décisions, à ce que je sache. Qui est responsable? L'État français. C'est-à-dire la fonction publique, tout spécialement les hauts fonctionnaires, les préfets, les magistrats, et la tête du serpent, le président de la République. C'est eux les responsables. C'est eux qui créent les circonstances objectives du passage à l'acte. Quand on fait rentrer un renard dans un poulailler, on ne s'étonne pas que le renard croque une poule. Or, c'est ce qui se passe. Ils ouvrent le poulailler, ils font rentrer le renard croque la poule, et ensuite, ils vous regardent et disent « Vous allez quand même pas me dire que je suis responsable de ce qui vient de se passer, monsieur. Vous êtes un affreux récupérateur. » Mais et ben c'est ce qui se produit. Et ce qui me choque, c'est pas... Ils vont même plus loin, puisqu'ils disent « Vous n'avez pas à stigmatiser le renard. » Ah oui, bah oui, parce que si tu stigmatises pas le renard, il y a même pas de problème qui se pose, tu comprends? C'est-à-dire qu'il y a même plus rien à dénoncer. Donc, mais le problème, c'est pas que ces politiciens se comportent comme les dernières des ordures, parce que ça, on sait qu'ils vont le faire. Ce qui me choque, c'est qu'il n'y a pas des torrents de personnes qui se ruent dans les rues pour exiger le règlement de compte, quoi. Ça, c'est problématique et c'est choquant parce que ça invite à la récidive. Le pouvoir s'en est formidablement bien sorti. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Récidive, fatalement. On va continuer. Une autre gamine va être tuée, ou un autre gamin. Ça sera un gamin de 4 ans la prochaine fois. Donc, ils vont faire quoi la prochaine? Ah oui, mais on pouvait pas. Vous avez qu'à regarder les trucs d'OQTF, je veux dire. Mais c'est toutes les semaines, c'est toutes les semaines, d'accord? OQTF, en fait, c'est un immigré clandestin qui a rien à foutre en France, qui tue un Français, qui agresse un Français, qui vole, etc. Encore, on parle des meurtres. On parle même pas de toutes les joyeusetés qui sont pas létales, mais qui sont terrifiantes. Hein. Donc, si vous voulez, ils se sont battus pour criminaliser les manifestations de l'instinct de survie des populations autochtones blanches, en les accusant de cynisme, et eux se sont parés des oripeaux de la vertu et de la responsabilité. Donc ils font même pas leur boulot, mais ils disent, attendez, nous, vous voyez, nous sommes des gens responsables. Donc ça c'est Darmanin, Véran, et Macron est un lâche fini, il s'amusait, il félicitait Benzema l'Algérien pour son truc, son histoire de football. Il faut quand même comprendre à quelle vermine on a affaire, je veux dire. Et là, on touche à l'essentiel, parce que, et j'en termine, si vous voulez, si un peuple ne réagit pas très méchamment à l'exécution de ses enfants, il est sorti de l'histoire. Ça veut dire qu'il se fout de sa postérité physique, il se fout de ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Bon, voilà, si les gens en France sont même plus capables de se révolter pour la peau de leurs gosses, c'est terminé. Fin, terminus, tout le monde descend, voilà, on passe à autre chose, quoi. Mais qu'on arrête de nous tartiner avec ces histoires de nation, de république, de... Non, vous défendez pas vos gosses, donc cherchez même pas la suite, cherchez même pas à vous trouver un futur ou un avenir, c'est... Voilà. Donc moi, c'est ça qui m'a profondément choqué. Je te signale que ce n'est pas la première fois. Rappelez-vous, après l'affaire Dutroux, là, c'était pas qu'un enfant qui avait été tué, il y en avait beaucoup plus. Et un adulte aussi d'ailleurs, un Weinstein. Mais bon, ce Dutroux, il est condamné quelques années auparavant pour viol avec acte de barbarie. C'est pas rien. Il est condamné, je crois, à 20 ou 25 ans de prison. Il ressort quelques années après, hein, c'est tout, 4-5 ans après, au motif qu'il s'est bien comporté, qu'il va faire un traitement psychiatrique, patati patata. À ce moment-là, c'est l'affaire Dutroux, en elle-même. Hein, donc Julie, Mélissa, Anne et Fieux, violées pour les Anne et Fieux, etc. Je passe tous les détails sordides de cette affaire. Les gens défilent dans la rue, les Belges, les marches blanches, contre Dutroux. Mais il y a quand même une personne qui dit à l'époque, mais écoutez, il y a quand même un responsable dans cette affaire, un responsable nominal. Quel est le juge qui a signé la remise en liberté de Dutroux? Parce que, finalement, c'est lui déjà en premier qui doit rendre des comptes. Quel est l'immonde juge qui a fait cela? et sur les conseils de quel psychologue et médecin il l'a fait. Le problème était posé. Réponse des autorités belges. Ah oui, mais ce juge, maintenant, il est au Luxembourg. Donc non, il est responsable, c'est bon. Et le peuple belge n'a pas réagi. Alors qu'il aurait dû, comme tu as dit, il aurait dû y avoir une marée de gens qui nous disent, qui disent, qui viennent dans la rue, qui disent, mais on veut des comptes avec ce juge et au-delà de tout ça, avec la justice qui a relâché ce Dutroux. On veut des comptes maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas du tout. Non, non, c'était oui pour Julie, Mélissa, pour des nénés. Et voilà des gens, et c'est reparti après. Il y a eu un petit truc, et puis après, ça a été fini. Et je suis persuadé qu'il va se passer la même chose en France. Lola sera passée pour perte et profit, voilà, avec une inversion accusatoire comme d'habitude en disant c'est vous les sales fachos. Oui, bah tout est bon de toute façon. Donc voilà, si vous voulez, les ordures se battent pour l'ascendant moral. Donc ils doivent présenter la contestation comme étant fondamentalement immorale. Donc c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Donc vous récupérez. Ils récupèrent comme des porcs, mais ils s'en foutent hein, de leur côté. Hein, parce ils s'en foutent. Hein. Ils récupèrent comme des porcs. Ben voilà, ils récupèrent comme des porcs. Hein, je veux dire, voilà. Hein, c'est ce que tu as très bien expliqué. Je vais pas reprendre tout ce que tu as dit. Hein, mais voilà. Mais il est nécessaire, si vous voulez, de présenter l'opposition comme étant fondamentalement immorale. Hein, elle est immorale. Et elle n'est pas vertueuse à l'opposé de ce que nous sommes, nous. Hein. Nous sommes des êtres moraux. Alors, vous voyez Darmanin, cette espèce d'infâme métèque, je veux dire. Il a la gueule, il a le stigmate. Le stigmate du, comment dirais-je, du bâtard levantin sur la face, je veux dire. Il faut quand même regarder ce que c'est que ce phénotype infect qui nous sort du cul de basse-fosse méditerranéen, quand même. Il faut quand même voir ce qui gouverne la police en France. Les faciès torturés de mélange de races qui viennent d'Afrique du Nord, vous ne savez pas d'où, du souk, du Levant, vous ne savez pas d'où ça vient. Mais ça fait la pluie et le beau temps dans la police française. Et ça dit aux Gaulois de fermer sa gueule quand leurs gamines se font assassiner, quand ces gamines se font assassiner. Et là, ça ne va plus. Mais là, je remets la responsabilité entre les mains des Gaulois. Votre avenir vous appartient. Si vous ne voulez pas défendre vos gamines, vous défendrez quoi alors? Alors, tout ce que vous faites, ça sert à quoi? Pourquoi vous vous levez même vous le matin? Vous défendrez votre retraite. Ouais, génial. Mais non, mais c'est ça. Je veux dire, moi, je suis désolé. Voilà, si tu n'es pas prêt à faire une révolution pour tes gamines, mais mon gars, trouve le premier pont et saute. Hein? Voilà, ta vie ne sert à rien et tu ne sers à rien. Et en plus, t'as pas d'honneur. En plus. Voilà. Voilà ce qu'il fallait dire. Et je suis désolé, moi, il y a des lignes, si vous voulez, qui sont des lignes de l'ordre. C'est des lignes anthropologiques qu'on peut pas admettre d'être franchies. Ou alors, je dis, vous allez vers le cimetière des éléphants, quoi. Hein. C'est... voilà, alors bon, si on dit non, mais on s'en fout, nos gamines, elles sont, ça arrive. Voilà. C'est comme avait dit l'autre enculé de juif de Kassovitz. Ah oui, mais ma pauvre dame, mais bon, bah, qu'est-ce que vous voulez, hein, voilà, c'est un fait divers, hein, voilà, c'est comme ça, quoi. Voilà, bon, imaginez maintenant, un blanc se fait un carton sur un bougnoul. On va voir si la presse de gauche va dire, ah non, mais c'est un fait divers, hein, pas de récupération quand même, hein, voilà, il faut relativiser quand même, hein, il n'y a pas des meurtres fascistes tous les jours dans les rues en France. Croyez-moi bien qu'il y aura de la récupération et pas qu'un peu. D'ailleurs, on nous en a. Rappelez-vous Train d'Enfer, ces trois légionnaires. Qui dans un train la nuit avait agressé. Ah bah, Roger Hanin en a fait un film. Voilà, ça a même fait l'objet d'un film réalisé par Roger Hanin d'ailleurs. Ah ouais, hein, bah oui, le juif, mais Beaufort voilà, Mitterrand. Donc eux, le moindre fait divers, on en tartine les murs. Hein, ouais, mais même sans parler de ça, plus récemment là, le bamboula qui soi-disant avait été passé à tabac en plein Paris, dans une pièce, là, ça avait fait le tour d'Internet, ils avaient dit que les flics l'avaient passé, etc. Si c'est putain, ils ont pas arrêté de nous en faire tout un truc, c'était l'affaire George Floyd au carré, putain, ils n'arrêtent jamais, je veux dire. Voilà. Alors, il y a un truc qui est marrant aussi, c'est, ça vient plutôt du côté des bougnoules et des nègres. Ils disent, Il y a eu l'affaire Justine, là. Vous avez vu cette semaine, il y a une femme qui s'appelle Justine, une jeune mère de famille, malheureusement, qui a été assassinée par un type qui est un Français, visiblement, qui est un assassin d'origine française. Et ils ont dit, bah, vous avez vu. Il y a, notamment, il y a cette atroce Algérienne qui s'appelle Zohra Bitan, qui est mariée à un juif et qui adore Israël. Donc, c'est une Algérienne pro-israélienne. Bon, pro-Israël, je veux dire. Et alors, elle dit... ah bah, vous avez vu, hein, Justine, avec son accent dégueulasse du bled, là, elle dit... ah bah, Justine, elle a été tuée par un Français, vous avez vu, donc voilà, c'est pas la peine de mettre les origines des assassins sur la table. Bah oui, évidemment, hein. Voilà, oui, bah oui, t'es une pièce rapportée d'Algérie, donc ça te fait bien chier quand on met le bilan comptable de tes cousins, parce que t'as peur de reprendre le bateau et d'aller dans l'autre direction. Oui, voilà, donc il faut foutre ça sous le tapis, comme ça, voilà, j'ai pas de compte à rendre à propos de ma race. Oui, bon, on a bien compris, voilà, oui, on... Voilà, et tout ça, et alors comme ils sont pas très habiles, les Algériens, ils savent pas s'y prendre, quoi. Ils savent pas mimer les émotions, ils sont incapables. Mais bon, elle a quand même osé le truc. Elle a quand même osé le truc. Donc, en fait, ils vont mettre en regard, en miroir, un crime commis par un Français en France sur une Française, ignoble, et ils vont dire, ah bah vous avez vu, les Français peuvent aussi être des salauds. Alors pourquoi vous spécifiez l'origine? Ça, c'est l'arnaque des halogènes. Mais ça, il faut le dénoncer aussi. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que des Français sont des assassins en France depuis quand même quelques siècles maintenant, ça arrive, hein, c'est forcément, c'est statistique, que ça donne carte blanche au tiers-monde pour nous envahir. C'est pas parce qu'on a des assassins de chez nous qu'on doit ouvrir la porte aux assassins du bled. Vous voyez, il n'y a pas d'automaticité là-dedans. Là. C'est pas obligé. C'est pas parce qu'on en a chez nous qu'on doit fermer les yeux sur ceux qui viennent d'ailleurs. Vous comprenez? On n'est pas obligé de leur ouvrir la porte. Et ben les mecs te disent, ah bah si, vous en avez chez vous, alors pourquoi vous laissez pas laisser passer les nôtres? Non, mais le culot de ces gens, si vous voulez. Bon, ils sont nés avant la honte, donc ils sont complètement imperméables à ce type de raisonnement. Les juifs aussi, d'ailleurs. Mais pour le dire, ils osent aller jusque-là. Alors face à ça, il faut toujours le dire. Mais écoutez, ok, on est suffisamment occupé avec nos propres criminels pour pas en plus prendre ceux du tiers-monde. Donc vous reprenez vos races de merde, par la même occasion, vous partez avec eux, vous fermez la porte après vous. Merci. Et si vous le faites pas volontairement, on vous aidera. C'est ça qu'il faut répondre. Voilà. Et il est quand même temps de le dire. Et j'en termine sur un autre point. Moi, je pense qu'il est impératif et urgent de rétablir la peine de mort. Mais pas la peine de mort cosmétique qu'on a connue à la fin des années 80, la vraie peine de mort. La peine de mort où on éradique les assassins, les criminels qui perpètent ce genre de trucs, quoi. Il faut faire verser le sang de ceux qui tuent dans de telles circonstances. Et je suis même pour aller beaucoup plus loin, d'ailleurs. Je vais pas expliciter davantage ici, mais je suis pour aller beaucoup plus loin. Mais le rétablissement de la peine de mort est un impératif. Ça devrait être l'occasion, et là je le dis, ça devrait être l'occasion d'ouvrir ce débat. Encore une occasion qui est ratée. Encore une occasion qui est ratée. Pourquoi je dis qu'il faut rétablir ça? Parce que c'est dissuasif en partie. Bon, un malade passera à l'acte de toute façon, hein. Ça, il faut le savoir. Ceci étant dit, c'est pour ça que moi, je suis pour une peine de mort un peu différente. Je suis pour les peines de mort collectives, moi. Pour dissuader les groupes, parce qu'il n'y a pas d'individualité parmi ces populations-là. Ils n'acceptent pas l'individualité, donc elles fonctionnent de manière grégaire. Donc quand on châtie de manière grégaire, là, tout de suite, ils comprennent tout. Bizarrement, ils comprennent tout de suite. Le langage devient clair. Mais bon, je pense qu'il faudrait passer là. Bon, vous comprenez bien que ça ne se passera pas dans un cadre républicain. Bon, ça nous emmène un trop loin, mais ceci dit, je voulais quand même... Heureusement dire... Un cadre républicain, c'est serait contre nous. Non, mais je veux dire, en plus, je crois que fondamentalement, je veux dire, on ne peut pas résoudre ce type de questions-là, parce qu'ils ont brandi ça, peut-être que je vous donne la parole, je vous donne la parole là-dessus justement, ils ont dit l'état de droit, ils ont brandi ça sans arrêt. Alors, on peut en parler, l'état de droit, hein. Je connais un peu les tribunaux français, Vincent aussi, attention, hein, s'ils vous font croire que la séparation des pouvoirs, la justice immaculée, rationnelle, jamais influencée par les jeux de pouvoir, etc. Ah oui, bon, bah ça c'est pour les cons, hein. Eh ben, n'empêche qu'ils ont joué la partition. Ah, ben oui, mais c'est l'état de droit. On peut quand même pas demander des châtiments expéditifs. Ah non, rendez-vous compte, on va pas châtier en plus. Ah non. un assassin d'enfants algérien qui avait rien à foutre sur le territoire français. On va quand même pas le châtier de manière expéditive, on va, rendez-vous compte. La démocratie, la République, l'état de droit, la séparation des pouvoirs. Je me demande s'ils n'ont pas sorti la momie Badinter, hein, faire un petit tour comme ça du pâté de maison, juste pour le montrer, pour vous savez, on faisait ça chez les catholiques avant, ils étaient morts quand même, avec les saints, vous savez, on baladait un saint un petit peu comme ça, un petit peu pour édifier les foules. Je me demande, ils n'ont peut-être pas fait ça avec le vieux Badinter, mais pas loin d'eux, quoi. Hein, je veux dire, ils vont probablement nous le remontrer encore, là, on va dire, oh, rendez-vous compte, l'abolition de la peine de mort. Ils vont nous le faire, quoi, hein, ils vont nous dire. Il y avait aussi un autre truc sur lequel je voulais brièvement repasser par rapport à l'affaire Lola, et qui est très révélateur. Vous savez, c'est l'histoire des marches blanches, mais c'est pas les marches blanches en elles-mêmes, ce que ça veut dire, pourquoi on fait des marches blanches maintenant, quoi. C'est l'ethnicisation des marches blanches, ou des deuils, ou des manifestations d'empathie collective. Et en fait, on voit bien la tribalisation en cours ou la balkanisation en fait de la société française à travers ça. C'est-à-dire que quand il y a une gamine blanche qui se fait assassiner dans ces conditions-là, en fait, bon, il n'y a pas eu de phénomène de masse malheureusement. Enfin, les gens ont été choqués quand même, mais il n'y a pas eu de grands mouvements de masse. Mais il y a quand même eu certaines manifestations publiques, etc. Bon, des manifs ou quoi. Et qui étaient des trucs de blanc, quoi. Et mettez ça en regard avec, vous savez, quand il y a un flic, il poursuit un bougnoul en scooter qui essaie d'échapper à un contrôle, le mec va sur l'autoroute, il roule à contresens, il se fait tuer percuté par un camion ou un truc, vous savez, ça arrive souvent, ça, ou alors il se casse la gueule ou machin. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils reçoivent les consignes, hein, de ne pas les poursuivre et tout, parce que les bougnoules sont tellement des andouilles avec leur scooter qui se tuent tout le temps, quoi. Et ça crée des émeutes, etc. Mais ensuite, il y a des marches, etc. Et ils disent violence policière, etc. Bref. Et là, quand vous regardez le public, bah, c'est que des halogènes, quoi. Et ensuite, il y a les juifs. Ça, c'est intéressant aussi. Vous savez, quand ils inventent des agressions antisémites, là. Genre la vieille Knoll, c'est pas du tout la vieille Knoll, c'est même pas antisémite, hein, je veux dire, c'était juste un type, il était complètement camé ou machin, c'était un ami de la famille et tout, depuis depuis qu'il était tout petit, quoi. Il était camé, elle avait balancé au flic parce qu'il avait touché le cul de la gamine de la ménagère, et en fait le type, il avait ragé, quoi. C'était un bico, et il l'a tué, mais c'était pas parce qu'elle était juive. C'était un règlement de compte dans un cercle social restreint. Les juifs, eux, ex nihilo, ils créent l'accusation d'antisémitisme, et ensuite, ils organisent un événement autour de ça, et ils font des marches. Mais c'est juif. Alors, c'est intéressant parce que, par rapport à Carpentras, où là, il y avait tout le monde dans la rue, c'est-à-dire que... C'est quand même intéressant. C'est-à-dire que, en 90, par le conditionnement antifasciste, et tout, avec tous les boomers, etc., bon, à l'époque, ils n'avaient pas 70 ans, hein, je veux dire, les boomers, hein, quelqu'un qui était né en 47, 48, en 1987, bah, c'est simple, il avait une quarantaine d'années, quoi, il était dans la force de l'âge. Donc les indignations des boomers dans les années 80, ça pouvait donner des grandes manifestations de masse, mais de gens qui adhéraient totalement au discours officiel du système, c'est-à-dire au discours juif, quoi. Donc ils se solidarisaient aveuglément des juifs. Or, aujourd'hui, vous n'avez qu'à regarder, quand il y a un juif qui se fait assassiner, généralement, c'est pas parce qu'il est juif, mais bon, voilà, les juifs essayent d'en faire un truc communautaire, tribal, quoi, et en fait, tout le monde s'en tape. Tout le monde s'en fout, quoi, mais vraiment, quoi. Je veux dire, oh ouais, ils ont buté un juif, on en a rien à branler, quoi. et en fait, les juifs, ils chialent dans leur coin, et c'est marrant, parce que je voyais, vous regardez l'UEJF, la LICRA, tous ceux qui ont vraiment mais fait des fortunes sur ces indignations, se lamenter du fait qu'ils sont tout seuls, quoi. Ah, ils sont là... Ah ouais, bon, il y avait le vieux Klarsfeld d'ailleurs, qui l'avait dit. Il dit, ah ben on voit quand même toujours un peu les mêmes visages, oui, les mêmes nez aussi surtout, quoi. Et il n'était pas content, quoi, par rapport à ça, quoi, mais avec un air résigné, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui en France, contrairement à tout ce que raconte la propagande, c'est-à-dire que vous avez d'un côté les médias, la télévision, les journaux contrôlés par les juifs qui vous présentent une France à genoux devant le peuple élu, et puis il y a la réalité dans la rue. Et dans la rue, tout le monde s'en tape des juifs quand ils sont pas en train de se féliciter du fait qu'ils sont pris une roquette dans la gueule en Israël. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde s'en tape. Donc, en fait, même dans les morts choquantes, vous avez même plus une unité dans l'indignation. Vous comprenez? Ça n'existe plus. Vous avez, chacun a son indignation par assignation tribale, vous voyez? C'est logique, c'est totalement évident. Forcément, on a de l'empathie pour les siens. Mais la société française est en train de s'écrouler sous nos yeux. C'est la balkanisation qui est en train de s'accélérer. Ça n'a pas été relevé excessivement. Hein. Je veux dire, quelques personnes l'ont relevé, mais pas grand monde, finalement. Alors que c'est un phénomène marquant. Donc, tu vas avoir... Et puis, en parlant de récupération, excusez-moi, mais le gang Traoré... Alors, eux, c'est fort, parce qu'ils récupèrent carrément leur propre mort à eux. Alors là, ça, c'est costaud, quoi. Enfin, je veux dire, la sœur Traoré, elle a... Enfin, le frère serait pas indigné par ça, hein. Parce que c'est vraiment la tradition familiale, quoi, hein. Même tribale et de son pays, quoi, le Mali, hein. Ouais, y a pas de problème, hein. On exploite les cadavres de son propre groupe pour faire avancer la cause du groupe. Ça, c'est le tribalisme total. Y a pas de problème, hein. Ils ont aucune honte par rapport à ça. Ça leur est naturel, quoi. Évidemment, pour nous, ça nous choque, quoi. On imaginez, quoi. Faire du merchandising avec la mort de nos enfants, enfin, on se frotterait les yeux, quoi. Bah, les nègres, ils font ça, ils s'en tapent, quoi. Je veux dire, George Floyd, c'est ça, quoi. La famille, vous avez pas vu ce qui s'est passé avec George Floyd, là? Kanye West, le rappeur, il a dit la vérité. C'est en gros que l'autre, il était camé, cardiaque, et en fait, il est pas mort assassiné par le flic. On le sait, ça, parce que les vidéos de l'interpellation le montrent. Il étouffait déjà, il était au volant de sa bagnole, donc ça avait rien à voir. Et en fait, il a dit la vérité. Et la famille de Floyd le poursuit pour 250 millions de dollars. Oui, mais tout le monde sait que ce sont les Juifs derrière qui l'attaquent. Oui, et enfin, ça, c'est parce qu'ils viennent de faire un précédent. Les nègres, ils aiment le pognon, hein, faut pas rêver. Hein. Et il n'y a pas de solidarité noire, il n'y a pas de solidarité noire, ça c'est un mythe. Donc, tout ça pour dire, en fait, que les nègres, leur façon de faire le deuil, ça consiste à racketter tout ce qu'ils peuvent. Les Juifs, pareil. Et en fait, il n'y a que les Blancs, visiblement, qui sont capables d'une certaine dignité dans le deuil, tu vois. Voilà. Et ça, maintenant, dans la société française actuelle, complètement libanisée, ben, on le voit, on y assiste, quoi. Donc, les bougnoules nous disent, hein, vous avez qu'à aller sur les réseaux sociaux avec Lola et compagnie, vous nous faites chier avec vos morts, quoi. Attendez encore quelques années, les mecs vont carrément se marrer, hein. Il y en avait quelques-uns qui rigolaient, mais ils vont carrément dire, mais génial, super, ils vont faire des sketchs, quoi. De toute façon, on peut pas avoir de la solidarité quand on va dans une manifestation et qu'on voit des gens qui n'ont rien à voir avec soi-même. C'est impossible de s'identifier et on n'a qu'une envie, c'est de se barrer. Si on voit, si des Arabes voient des Blancs, je sais pas, type bien sûr eux qui veulent que leurs enfants puissent se balader en ville sans rien risquer, les Arabes ils en ont rien à cirer, ils se barrent immédiatement. Mais bon, après ça n'empêche pas que j'ai vu des réactions, notamment dans ce reportage de Vincent Lapierre, d'Arabes qui disent faut rétablir la peine de mort, c'est ce dont tu parlais, il faut faire quelque chose parce que là ça part dans tous les sens en France. Donc y a quand même une volonté, à mon avis, populaire qui est totalement étouffée. Enfin, une volonté. Il y a certaines opinions qui sont totalement étouffées par le système médiatique. À mon avis, il y a vraiment une cloche médiatique qui donne une très très très mauvaise vision de ce qui se passe vraiment, des grands courants qui traverse la société, et notamment c'est quelque chose qui avait été reproché à Étienne Chouard quand on lui parlait des problèmes qui risquaient de poser le RIC. On lui disait, mais si on met le RIC, les gens vont immédiatement voter pour la peine de mort. Et donc ouais. Là, Étienne Chouard, penaud, un peu transpirant, explique qu'on va expliquer aux gens, qu'ils vont comprendre. On va faire de la pédagogie. Un peu gentil, quoi. Et c'est qu'à mon avis, aujourd'hui, 60 à 70% des gens, si on leur demandait leur avis, ils iraient voter pour le rétablissement de la peine de mort, pour les crimes graves. Et c'est pareil pour l'immigration. Si on leur demandait leur avis, est-ce que vous voulez que l'immigration soit mieux encadrée en France, que les OQTF soient appliquées? Je pense que, par exemple, si on faisait un vote uniquement sur est-ce que les OQTF doivent être appliquées, on aurait facilement 80% de base des gens. Après, il y aurait peut-être des discussions chez certaines personnes, mais à mon avis, l'écrasante majorité, même les métèques, ils voteraient en faveur de ça. Mais le fait est que nous sommes en démocratie, et donc, comme toute démocratie qui se doit, nous avons aucun moyen de faire entendre notre voix, de faire, je sais pas, des pétitions, des systèmes pour que on puisse avoir un quelconque impact politique. C'est désastreux, c'est parce qu'en fait, ouais. on y répond systématiquement, mais non, mais vous avez l'élection au système représentatif, vous pouvez élire des représentants qui vont pousser vos idées. Mais on voit bien maintenant avec l'expérience, et là, bon, je rejoins Chouard à ce sujet-là, mais on voit bien que ça fait des centaines d'années maintenant qu'on le fait, et que ça va de mal en pis, et que quand on veut quelque chose, eh ben, on l'obtient jamais. Donc, c'est bon. Oui, non, après, mais là, ça c'est vrai. Je suis pas un adepte de la démocratie, bien sûr. Donc, Chouard, lui, c'est la démocratie totale, quoi. Mais au moins avec le truc de Chouard, t'as une possibilité d'obtenir un truc qui t'intéresse. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'avec le système démocratique républicain, avec des représentants, là, t'es sûr que t'auras que dalle, quoi. Là, c'est garanti. C'est une soupape. Pour s'assurer que tu n'obtiennes rien, que la clique dirigeante l'emporte systématiquement, quoi. Hein. Et donc je suis antidémocrate. Oui, donc tout à fait. Je suis pas pour la maximalisation de la démocratie, si tu veux. Mais dans un cadre démocratique maximalisé, t'as une chance, je sais pas, une fois sur 100, tu vois, de faire passer un truc. Alors que là, tu sais que tu feras rien passer. C'est garanti. Les mecs au Sénat, mais qu'est-ce que c'est que même ce truc, quoi, le Sénat, quoi. Je veux dire, on n'y fout jamais les pieds, les mecs dorment sur des milliards, je blague pas, hein, ils ont des milliards, le Sénat a des milliards d'euros en réserve, hein. Ils sont assis dessus, ils font ce qu'ils veulent avec. Oui, la cantine du Sénat. Non, mais ils font ce qu'ils veulent. Et là, de l'archer. Non, mais tu peux rien faire. Je veux dire, les mecs, ils sont là, sous la République, donc en fait, toi, t'es là, à chaque fois que tu poses une question, t'es sous la République, ah oui, bon, non. Alors là, ça va que, en fait, ils assuraient un certain niveau de vie aux paysans moyens, donc ça limitait en fait les tentations révolutionnaires. Et ils pouvaient comme ça gouverner avec cette espèce de régime atroce. Mais maintenant, les gens vont quand même avoir de véritables questions à poser. L'affaire Lola, c'est vraiment symptomatique. Parce que si le système. Et la classe journalistique, parce que c'est une classe, hein, 37 000 journalistes quand même à faire arrêter et juger, hein, je le rappelle. Je parle pas des autres, hein, mais il faut faire arrêter et juger les journalistes. C'est très important. Il y en a 37 000 à faire arrêter et juger. Ils ont des comptes à rendre. Ils parlent souvent de 1944, la libération. Oui, bah, ils parlent un peu moins de l'épuration. Moi, je trouve que c'est pas mal. Quitte à se ressourcer, vous savez... Bah, moi je suis un peu pour une épuration aussi, voilà. Hein. Et ça pourrait être intéressant, il y aurait des choses à faire. Vous savez qu'il y a des journalistes qui ont été interdits d'écrire. Hein. Terminé, hein. Il y a des journaux qui ont été fermés, hein. C'était fini. Hein. Ah, vous avez écrit ça à telle époque, monsieur? Oui, oui, oui. Ah, bah, oui, bah, vous êtes comptable. Vous êtes comptable. Ah bon, non, mais vous savez, quand j'écrivais ça, j'avais pas vraiment le choix. Ah, bah oui, mais. Vous auriez pu au moins vous taire. C'est, ouais. Ce disait. bah, c'est ce qu'on va leur dire. Mais si, j'ai lu des sténotypies, des comptes rendus de sténotypies de procès d'épuration, c'était ça. Bah, vous auriez dire. Pu au moins vous taire. Eh ben, on va leur dire. On va leur dire à tous ces journalistes-là, 35 000 journalistes, monsieur, vous auriez pu au moins vous taire. Ça va être intéressant parce que ce qui est bien avec la presse, c'est que, évidemment, tout est noir sur blanc. ils peuvent pas dire j'ai pas écrit ça, j'ai pas dit ça. Par définition, tout est archivé. La colère qui s'est emparée de la population, alors elle s'est pas débordée dans les rues, malheureusement, je le regrette. Après, il faut, tu vois bien le contexte, que ça fait, je sais pas, depuis 4 ans qu'il y a eu les gilets jaunes qui se sont fait éborgner. Là, Macron a fait des dépenses faramineuses pour équiper la police avec des trucs, mais je savais même pas qu'il y avait, ce genre de véhicule de contrôle de foule. C'est waouh! Non, ils ont une explication. Moi, j'ai vu la communication, ils ont dit. Non, mais ça n'a rien à voir, c'est pour les théâtres de guerre. Ça n'a rien à voir. C'est, je sais pas où ils oui, vont, aux couleurs de la gendarmerie nationale, bien sûr. Non, mais si, c'est normal. C'est l'ONU. Cherche pas. C'est pas pour vous, les gars. C'est pas pour vous. Putain, le jour où t'as des mecs qui vont s'approcher un peu trop près de l'Elysée, tu vas voir ces gros véhicules blindés qui pèsent je sais pas combien de tonnes. Tu vas les voir débarquer. Et dire, ouais, bon. C'est un peu pour vous, mais bon, c'est la surprise de Noël. Tu vois. Mais où on voit ce mépris du peuple, c'est qu'à l'époque, je me rappelle, lors de l'abrogation de la peine de mort, ils ont dit, hein, on l'abroge sans référendum, sans rien, parce qu'on sait que le peuple ne serait pas d'accord, mais c'est un impératif de la démocratie. C'est encore une fois, la démocratie a ses impératifs qui dépassent le peuple. Et j'ai un autre exemple en Belgique, ça a été extraordinaire, c'est que en Belgique, les procès de presse, ça datait de l'époque où on estimait que bah, la presse s'adressant au peuple, c'était au peuple de juger les journalistes. Donc, on estimait qu'un procès de presse, qui était extrêmement rare, devait se juger aux assises, avec donc un jury populaire. Ah oui, d'accord. Oui. Eh bien, quand il s'est agi de poursuivre les révisionnistes, ils ont modifié la loi pour qu'on soit jugé seulement par des juges professionnels, comme en France. Ah. Donc ils ont, mais comme ça, et nous on avait fait un recours avec Siegfried Verbeek en disant, mais on veut bien nous être jugé, mais c'est, on va être jugé aux assises par un jury populaire, et on devrait avoir toute la liberté de notre défense, parce que aux assises vous avez la liberté de défense totale. Ah non, ça a été changé là. Non, on a changé les règles du jeu, vous pouvez pas. Non, le peuple il a pas à s'exprimer là-dessus. Non, il a pas à écouter, à être juge, enfin, à être dans un procès de révisionniste, absolument pas. Voilà. Et on pourrait citer des milliers d'exemples de ce genre, hein, le mépris qu'ils ont pour le peuple, et notamment, j'en termine là, mais notamment, justement, Hélène Torgman, on sait d'où elle vient, mais elle a écrit un livre superbe où elle démontre comment, justement, toute cette prétendue écologie, le greenwashing, est un truc complètement, c'est fait par des collèges d'experts sur lesquels on n'a aucun pouvoir. On ne sait pas qui c'est, mais leurs décisions, après, transpirent et sont adoptées dans le droit international, donc dans le droit des États. Tout ça, mais sans aucun contrôle du peuple. Alors là, rien du tout. Et c'est vraiment intéressant, son bouquin là-dessus, même si encore c'est une marxiste, politiquement, je ne suis pas du tout d'accord avec elle, mais son analyse du greenwashing est extraordinaire et elle dévoile justement ce mépris de la classe dirigeante pour le peuple. Elle dévoile sur ce sujet-là. Alors, greenwashing, tu peux expliquer un peu le concept ? Oui, en fait, c'est le capitalisme qui, voyant que l'écologie est exploitable et que, eh bien, il y a une espèce d'engouement pour l'écologie, se dit on va le récupérer pour nous. Et donc, en fait, vous avez plein d'entreprises qui disent, oui, nous, on est des entreprises vertes, on fait tout pour la protection de la planète, mais, donc, en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui était avant des activités purement capitalistes, qui se moquaient complètement de tout cela, on les repeint en vert, en disant, non, mais on fait ça, mais c'est pour le bien de la planète. Par exemple, alors, c'est des énormes arnaques, je vais encore prendre un cas concret pour bien vous faire sentir ce que c'est. Une entreprise qui pollue, ou qui est censée polluer, mais peu importe, donc va dire, bon, eh bien, vous devez faire quelque chose pour la nature. Et par exemple, ils disent, eh bien là, nous, on s'est engagé à donner de l'argent pour protéger telle forêt. Et grâce à ça, on a des points carbone qui nous permettent de continuer comme avant. Mais c'est une arnaque totale, parce que la forêt, elle était déjà là. Ils ne font rien. Donc en fait, ils nous disent, en gros, on va payer des clôtures autour de la forêt, et puis ben on est des capitalistes responsables. On peut faire ça, voilà. On peut continuer comme avant. Alors, c'est toute une arnaque qui est très bien exposée, hein, par Hélène Torgman, qui a écrit un livre qui s'appelle L'écologie verte contre nature. Excellent. Il est vraiment excellent. Si vous voulez voir l'arnaque de l'écologie reprise par le capitalisme, cette écologie qui, en fait, n'est absolument pas, hein, mais il faut lire ce livre. Ça me rappelle un peu le démocratique washing aussi, quand il s'agit de vendre une guerre, tu vois. Oui, c'est la même chose. C'est le même concept, hein. C'est, voilà, Non, c'est une guerre de rapine, d'agression. Non, mais c'est démocratique, ça va. Tu vois. Et les gens achètent, c'est formidablement efficace. Alors, une note positive, je voulais quand même en parler dans l'émission aussi. On va aller vers l'Iran, où le gouvernement iranien a finalement entendu la voix du peuple français opprimé et a pris une décision tout à fait spectaculaire qui vaut la peine d'être citée. Hein. Alors là, je cite la presse la plus autorisée puisque c'est le Times of Israel. Hein, donc là, c'est carrément le bulletin paroissial, quoi. Hein. Voici ce qu'il nous dit. Le 17 octobre, l'Union européenne a adopté des sanctions contre la police des mœurs et 11 dirigeants iraniens, dont le ministre des Télécommunications, les accusant d'être impliqués dans la répression donc, du fameux mouvement, je ne sais pas comment le qualifier, en tout cas les gogos qualifient ça de mouvement anti-voile, mais enfin c'est surtout une question économique, puisque l'Iran est sous embargo, il y a des segments de la bourgeoisie iranienne qui sont mécontents, et donc les fils et les filles de cette bourgeoisie descendent dans les rues pour... C'est finalement pas très religieux ou anti-religieux. Je pense que c'est beaucoup plus social qu'autre chose. Peu importe. Voici ce qu'on nous dit. En riposte, le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé dans un communiqué des sanctions contre 8 institutions et 12 individus basés en Europe pour avoir soutenu des groupes terroristes, et pour le coup c'est vrai, hein, inciter à la violence et provoquer des émeutes, des violences et des actes terroristes en Iran. Alors il faut savoir que dans l'opposition iranienne à l'étranger, soutenue par la CIA, il y a des groupes qui sont terroristes, il y a vraiment des groupes armés qui appellent au renversement violent du gouvernement iranien, je veux dire. Hein. Donc quand l'Iran dit que ce sont des groupes terroristes, c'est pas un abus de langage. Hein. Enfin, ils s'en cachent pas en plus, je veux dire. Ils appellent leurs partisans à user de violence contre les institutions du gouvernement iranien, hein, y a pas de problème. Hein. Donc sur la liste noire iranienne figure notamment, alors bon, The International Committee in Search of Justice, donc c'est un machin de la CIA, et alors ça m'a plu ça, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, vous connaissez, la LICRA, et les versions en persan de la Deutsche Welle, donc ça c'est la radio trotskiste allemande, et Radio France Internationale, la même chose. Donc des parlementaires et politiciens européens et français et deux responsables du journal allemand Bild sont parmi les personnes sanctionnées par le gouvernement iranien, dont Meir Habib, hein, quand même. Je tiens. Oh là là, j'étais mort de rire. Alors, messieurs, comment dire, oui, je précise ça aussi, les sanctions comprennent une interdiction de visa, bon, bien évidemment, et la saisie de leurs biens et avoirs sur le territoire, sous la juridiction de l'Iran, selon le ministère. Mais il n'y a pas que ça, puisqu'ils disent que ces gens-là ont incité à la violence contre le gouvernement iranien, sont soutenus par des groupes terroristes et provoquent des émeutes et des violences et des actes terroristes. Bon, autant vous dire que ça ne va pas se limiter à des saisies de visa si jamais ils se trouvaient entre les mains des autorités iraniennes. Est-ce que, messieurs, vous avez quelque chose à dire ? Moi, oui, j'ai des choses à dire sur cette décision. Vincent, tu dois être quand même assez choqué de cet acte cavalier de la part des autorités iraniennes que je présume tu condamnes avec la plus grande fermeté. Ah ben moi, je suis tout à fait d'accord avec la LICRA, qui, dans un communiqué paru hier, hein, elle a dit « Ces accusations et sanctions, aussi fantaisistes soient-elles, doivent être considérées pour ce qu'elles sont, et là ils expliquent qu'elles sont, d'intolérables menaces à l'encontre des voies libres des nations démocratiques. » Oh là ! Alors c'est vrai, moi je trouve que la LICRA lutte pour que l'on soit libre de parler. Ah oui, oui. Moi j'ai toujours vu la LICRA de mon côté, réclamant ma liberté d'expression. J'ai jamais vu la LICRA de l'autre côté. Donc, la LICRA représente en effet les voies libres des nations démocratiques. Oui. Ah, ça, je crois que là, c'est indéniable. Hein. Je veux dire, donc, moi, je soutiens à 100% la LICRA et je condamne à 1000% le régime iranien, des mollahs. Là, je trouve que... Non, il faut, ouais. Il faut faire une guerre nucléaire. Je veux dire, avant qu'ils aient l'arme nucléaire. Parce que là, ils vont imposer le voile au monde entier et... Non, c'est pas sérieux. Donc, Vive la Lycra, naturellement. J'aime la chutzpah de la Lycra. Ça me fait toujours rigoler. Tu as oublié de citer aussi le fait qu'Israël est la seule démocratie du Moyen-Orient. Il faut toujours le rappeler. Hein. C'est la seule et qui a l'arme nucléaire, qu'elle a acquise en toute illégalité. Mais au nom de la démocratie, l'illégalité devient l'égalité. C'est ça qui est extraordinaire. J'ai beaucoup aimé la condamnation d'Israël de la violation des frontières de l'Ukraine par la Russie. Vous savez qu'Israël est un État très soucieux des frontières des autres. ça m'a beaucoup séduit aussi. J'ai trouvé les Juifs très, très... vraiment au meilleur de leur forme. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment un peuple qu'on aime. J'ai tenu à insérer ça parce que c'est la première fois que la LICRA commence à récolter un soupçon de ce qu'ils ont semé. Et je m'étonne d'ailleurs que l'Iran n'ait pas pris ce genre de mesures un petit peu avant, parce que ça fait quand même, 20 ans, plus, mais en France, ça fait 20 ans que les Juifs sont déchaînés contre l'Iran. Et finalement, les autorités iraniennes ont fait assez peu de choses contre, même à caractère politique, je veux dire, même si c'est pas censé avoir de conséquences immédiates, je veux dire, ils étaient relativement modérés, quoi. Et là, on voit enfin les Iraniens sortir de leur torpeur, quoi. Ça y est, ils se sont réveillés, ils ont dit, bon, voilà, les Juifs à Paris, là, c'est bon, on arrête maintenant. De notre côté, on arrête, c'est fini, c'est terminé, on prend les choses au sérieux. Alors, quand vous êtes classé sur une liste comme ça, on peut en rigoler. Moi, j'en rigolerais assez peu, hein, si j'étais membre de la LICRA. Je veux dire, quand l'Iran vous place sur une liste noire, moi j'ai tendance à dire que ça devient un peu bizarre. Mais à force de provoquer, il y a des conséquences quand même. Hein. Parce que là, ils sont déchaînés. La LICRA s'est déchaînée. Parce que la LICRA, c'est juste une tentacule de la juiverie internationale. Donc eux, ils espéraient la révolution de palais en Iran, que le gouvernement iranien allait être renversé, qu'ils allaient mettre des agents des Juifs avec l'aide de la CIA à Téhéran, que c'était réglé, quoi. Hein. C'était ça dans leur... Ils étaient déchaînés, quoi. On a vendu ça aux masses de goïms qui étaient là au nom de la lutte contre le voile. Alors évidemment, à droite, ils sont tous tombés dedans, à genoux. Hein. ils sont contre le voile, c'est forcément bien. Non, ça n'a rien à voir. D'abord, c'est des chiites, c'est pas des sunnites. Donc les bougnoules que tu vois au coin de la rue en France, c'est pas des chiites déjà. Ils peuvent pas se saquer, ils veulent s'entretuer. Donc déjà, tu as loupé le coche. Et ensuite, quand les juifs qui t'oppriment, en organisant l'invasion islamique et qui t'empêche de protester quand tes gamines se font tuer par des arabes, te dit que le gouvernement iranien, il faut le dégommer, à mon avis, le gouvernement iranien fait quelque chose de bien et tu dois creuser. Voilà, ça, c'est un conseil que je donnerais aux gens. Il doit manquer quelque chose dans l'équation et tu devrais aller chercher par toi-même. Alors, j'ai vu ça justement dans le même genre. Hein, des gens qui, parce qu'on a eu une séquence là, anti-iranienne qui était particulièrement... hystérique, sous-entendu, tu sais, si t'as pas envie de voiler tes filles parce que t'es pas musulman déjà pour commencer, il faut forcément renverser le gouvernement iranien. Tu sais, je veux dire, il y a une espèce d'automaticité qui était commandée à droite. Et non. non, les Iraniens font ce qu'ils veulent en Iran. C'est pas parce qu'ils voilent leur femme que je suis censé être anti-iranien. Je veux dire, ils font ce qu'ils veulent chez eux, quoi. C'est pas mon problème, hein, n'est-ce pas? Donc, cette espèce de conception universelle de l'ordre social, vous voyez, c'est les femmes iraniennes doivent se comporter comme les occidentales, tu vois. Chacun chez soi, quoi, hein, voilà, les musulmans en musulmanie, et chez nous on fait ce qu'on veut, quoi, voilà. Mais espèce de mélange des genres qui était gênant, et il y a un exemple plus concret et plus politique récent, c'est que c'est l'Iran qui défend aujourd'hui l'Arménie chrétienne contre les Azerbaïdjanais, soutenus par à la fois armés par Israël et par la Turquie. J'ai pas entendu la droite française protester contre les livraisons d'armes israéliennes à l'Azerbaïdjan. C'est-à-dire que le Figaro, là, les gogoles du Figaro, là, qui sont en train d'agiter tout leur croix, leur chapelet, machin, l'Arménie, c'est bizarre. Tout leur radar s'éteigne. à la minute où on parle de la livraison d'armes à l'Azerbaïdjan par Israël. Ça n'existe pas. Or, vous enlevez les armes israéliennes aux Azéris, il n'y a pas de guerre, ça n'existe pas. Il n'y a pas de guerre, ils ne peuvent pas la mener. Comment ça se fait ? Vous voyez ? Et là, les Iraniens, ils ont durci le ton. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté des agents du Mossad qui étaient en train de foutre la zone contre les Arméniens. D'accord ? Donc, ceux qui vont sauver les Arméniens dans le futur sont probablement les Iraniens. Eh oui, le schéma mental des gogols juifs, enfin à la solde des juifs, qui consiste à dire iranien, voile, méchant, ça marche pas. Ok ? La géopolitique, le politique, c'est plus compliqué. Donc tu peux trouver des musulmans chiites qui vont tendre la main à des chrétiens arméniens, parce que face à eux, ils ont des frères musulmans turcs et des juifs israéliens qui défendent leur propre partition. Si vous avez regardé, le pouvoir d'Erdogan s'est rapproché d'Israël. En ce moment, ils sont en train de réchauffer leur relation, là, de manière très spectaculaire. Voyez ? Erdogan n'a jamais été sérieux sur sa lutte contre Israël. Jamais. Les Iraniens, oui. Les Turcs ont toujours été des clowns face à Israël. Toujours. C'est du théâtre pour les gogols, ça. Les gens qui sont sérieux face à Israël, ils sont à Téhéran, ils sont pas à Istanbul. Jamais. Vous voyez ? Et les Arméniens, ils sentent la différence, par exemple. Et ben ça, ça disparaît des radars. Donc, on est censé se solidariser du mouvement anti-iranien au moment où, clairement, il y a une tentative du lobby juif international, via l'Amérique, d'étouffer l'Iran à propos de son soi-disant programme nucléaire iranien militaire, alors qu'ils sont en train de prendre des mesures pour contenir Israël, notamment face aux Arméniens, tout ça disparaît des écrans radars. Vous voyez, on nous sort comme ça une soi-disant révolution de couleurs, elles veulent enlever leur voile, mais c'est hallucinant comment on peut aveugler les gogos, quoi, je veux dire. Vous voyez, comme quoi, et je suis désolé, mais les réflexes pavloviens, moi je sais pas, j'ai pas d'affinité pour l'islam ou quoi, ou les voiles ou quoi, c'est, je m'en fous. Mais il faut quand même être capable d'avoir un dessous d'analyse. Enfin, franchement, ça ne demande pas d'être un géopoliticien. Et franchement, quoi, quand on en est au niveau des chiens de Pavlov, je suis contre tout ce qui est voilé, point barre, reste chez toi. Et malheureusement, c'est ça, quoi, voilà. Et la droite française est spécialiste là-dedans, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Donc voilà, donc pour en revenir à la LICRA qui a pris un bon coup dans la gueule. Alors attention à la LICRA, hein. Attention, parce que là, vous avez fâché les mauvaises personnes, là, quand même. Moi, j'invite à la modération, hein. Là, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas trois blogueurs, hein. Oui, on sent une perte de patience quand même de la part des Iraniens, mais pas que, ça commence à faire vraiment plaisir, puisque les Russes aussi visiblement oui. Se mettent à parler des Juifs. Alors oui. Après les Chinois il y a quelques temps, parce qu'ils en avaient vraiment marre qu'on les tanne avec les Ouïghours. Maintenant les Russes aussi ont fait, RT a fait un tweet pour se moquer du système de mobilisation américain en disant que les transgenres c'est un article du Russia Today. Ouais, vas-y développe. Ouais. Et ils disent nous vous avons rappelé que les jeunes hommes qui sont les derniers de leur ligne, donc les derniers porteurs d'un nom de famille, donc le fait qu'ils soient les derniers ne constitue pas une excuse quand il s'agit de combattre les ennemis d'Israël. Ils ont tweeté ça. Ouais, alors en fait c'était. Et ils ont fait un article. C'était pour les fils uniques. C'est ça qu'ils voulaient dire. C'était un clip. Je contextualise, hein, tu me pardonneras, Jean. C'est un clip d'alerte américain. Qui montre d'ailleurs des Afro-Américains d'ailleurs dans le clip, et qui dit « Attention, ce n'est pas parce que vous avez un fils unique qu'il échappe à la mobilisation. » Parce que je pense que, bah, comme il n'y a pas eu de mobilisation depuis la guerre du Vietnam, ils font un, ils ont des gros problèmes de mobilisation aux États-Unis. Ils se foutent de la gueule des Russes en disant ah, ils n'arrivent pas à mobiliser. Attention, ils ont des très graves problèmes de mobilisation aux États-Unis. Il y a des articles très sérieux du Washington Post et croyez-moi bien que c'est mal barré. Pas de mobilisation de recrutement dans l'armée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui veut venir volontairement faire l'armée aux États-Unis et qui a d'ailleurs un indice de masse corporelle normal. Ils sont tous obèses, incapables de se battre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, non, mais même pour la mobilisation. C'est-à-dire que s'ils devaient mobiliser demain, compte tenu des standards minimum requis pour rentrer dans l'armée, ils auraient un grave problème parce qu'il n'y a rien qui va. Les mecs sont des drogués, ils sont obèses, ils sont fous. Ils ne savent pas s'ils sont des femmes ou des hommes, etc. Enfin, il n'y a rien qui va. Et ils ont dit non, c'est grave, c'est sérieux. Si jamais il y a un effort militaire important à fournir, on n'a pas les hommes, quoi. Oui, et l'administration Biden a spécifié que donc les travelots étaient aussi donc les hommes qui se prennent pour des femmes ne pouvaient pas seraient quand même mobilisés, ce qui est assez hilarant. Ouais, donc les Russes se sont bien moqués d'eux. Je reviens au clip. Donc ils envoient le message, donc c'est un clip fait à l'américaine, vous voyez quoi, un peu avec de la musique de fond et tout, et ils disent attention. Ce n'est pas donc on voit un père afro-américain, un noir, avec son fils. Ils sont sur le palier de leur porte et tout, et on leur dit voilà, ce n'est pas parce que vous avez un fils unique que votre fils unique peut échapper, ils disent pas échapper, mais n'est pas tenu de respecter un ordre de mobilisation. Là-dessus, Russia Today embraye, prend le clip tel quel, et dit, et ajoute son commentaire, qui est le suivant, et là je te demande de le citer, effectivement. De la part du US Selective Service System, nommé de manière euphémiste, c'est-à-dire le draft, donc la mobilisation, est devenu viral après avoir rappelé à des jeunes hommes qu'être le dernier de leur ligne de sang ne constitue pas une excuse quand il s'agit de combattre les ennemis d'Israël. Ce qui est énorme, quand même. C'est énorme. Ça veut dire que les Russes identifient clairement que l'armée américaine ne sert qu'à combattre les ennemis d'Israël, où qu'ils soient, ce qui est absolument fabuleux. Donc maintenant, on a les Iraniens, les Chinois qui ont parlé de l'influence juive dans tout ce qui s'agit de l'agitation autour des Ouïghours. Ils ont ciblé Glucksmann. Ils ont carrément mis la tête de Glucksmann avec une étoile de David. Oui. Ils ont quand même été... C'est génial. Je veux dire, moi j'étais donc, là, j'avais pour le coup des étoiles dans les yeux, tu vois. J'étais là, ah. Oui, ils ont pas déçu pour le coup, les Chinois. Parfois ils déçoivent, mais là pour le coup. Et donc très récemment, il y a même un grand rabbin de Moscou, il me semble, qui a appelé les Juifs de Russie à quitter la Russie. Puisqu'il y a un officiel du ministère de la Défense russe qui a parlé des Lubavitch, donc de l'influence juive ukrainienne, sans forcément être très agressif, mais il a mentionné ça. Et ça leur a pas plu du tout, donc ils sont là, la juiverie internationale est en train de passer en mode... Judéa déclare war en Germanie, la Judée déclare la guerre à l'Allemagne, là ça va être la Judée déclare la guerre, mais ça va plus être qu'à un seul pays, ça va être l'Iran, c'est déjà le cas, mais la Russie, la Chine, ça commence à faire beaucoup. Est-ce que l'Inde va s'y mettre? On sait pas. Donc c'est très intéressant là, on sent que le sol commence à bouger sous les pieds de ces Juifs. Et je pense qu'ils feront moins les malins d'ici quelques temps là, parce qu'ils sont. Oui. Ils sont encore très grande gueule, mais ils commencent à se frotter à du très gros. Hein. Bah dans leur tête, c'est-à-dire qu'ils ont, c'est ce qu'avait dit Hitler hein, dans son testament, enfin dans ses derniers propos, pas dans son testament, mais il avait dit, mais de toute façon, si je perds cette guerre, les Juifs vont tellement perdre la tête. Que c'est ce qui va sceller vraiment leur perte, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont perdre la boule. Ils vont se dire, ça y est, c'est bon, on a plié le match. On est les rois du monde. Ça y est, on peut y aller, quoi. Et c'est ce qui se passe sous nos yeux, là. Donc là, plus rien ne les retient. C'est-à-dire qu'ils disent, on va manger d'un coup la Russie, l'Iran, la Chine, allez savoir quel autre pays. On va les dévorer, c'est plié. Vous avez qu'à écouter la presse juive. Lisez la presse juive. Écoutez-les parler. Et je vous dis tout de suite d'ailleurs, enfin pas à vous, mais à ceux qui nous écoutent, quand vous entendez parler de guerre contre la Russie, on va mettre la Russie à genoux, Poutine va perdre. Comprenez bien que le match, il y a déjà quelques mois qu'il ne concerne plus uniquement la Russie. Derrière Poutine, il y a l'Iran et la Chine au minimum. Alors évidemment, ils ne mobilisent pas toutes leurs forces encore parce qu'on est juste dans la phase d'échauffement. Mais l'Iran et la Chine ont parfaitement compris qu'une défaite de la Russie face à l'OTAN est inenvisageable. C'est inenvisageable. Je tiens à le dire à ceux qui nous écoutent, ils ne vont pas dire officiellement, publiquement, nous sommes aux côtés de la Russie, nous entrons en guerre aux côtés de la Russie, d'accord ? Ils se ménagent des marges de manœuvre à ce stade, mais je peux déjà vous dire qu'ils se sont fixés une ligne rouge collectivement, et une défaite de Vladimir Poutine et des Russes en Ukraine ne fait pas partie des options retenues. Parce qu'ils savent qu'ils sont les suivants. Donc, à partir de ce moment-là, pour eux, leur survie se joue en Ukraine et en Europe. D'accord ? C'est très clair. Oui, et il y a fort à parier que d'ailleurs, il y a des observateurs militaires iraniens et chinois en Ukraine actuellement, qu'il y a une coopération très active militairement entre ces pays. Puisque bon, les Iraniens fournissent des drones à la Russie, qui sont d'une grande aide apparemment pour les opérations militaires. Donc, on parle beaucoup de, parce que bon, on est un peu concerné en premier chef des observateurs ou des officiers des armées occidentales qui interviennent en Ukraine pour soi-disant former les troupes ukrainiennes. Mais de l'autre côté aussi, il se passe des choses. Ils apprennent à combattre l'OTAN, ils apprennent les méthodes de militaires, les méthodes tactiques, et ainsi de suite, qui sont appliquées par l'OTAN. Donc, ils apprennent. C'est pas parce que, par exemple, la Russie recule actuellement que ce sont des défaites stratégiques. C'est des défaites peut-être tactiques, ponctuelles, mais ils apprennent aussi de leurs erreurs. Et on voit que visiblement, ils sont sérieux. Ils ont pas l'intention de reculer. Ils ont bien compris les enjeux. Et donc, ben, moi, je pense que c'est un peu dans le cadre de ce qui se passe actuellement que les Iraniens se mettent à s'énerver parce que ils se sentaient probablement un peu seuls pendant un certain temps et ils voulaient jouer plutôt la conciliation. Ils avaient signé un accord avec Obama pour essayer de potentiellement développer du nucléaire civil et essayer de normaliser leurs relations internationales. Mais bon, force est de constater qu'avec le temps, ben, c'est pas possible. Ça ne fonctionne pas et que un autre axe se forme et qu'il vaut mieux de plus en plus appartenir à l'autre axe puisque on va pas les Russes vont pas aller emmerder les Iraniens sur des questions de voile, sur des questions de bonne femme, sur des droits ou je ne sais quoi. Donc même les Chinois, on peut facilement faire affaire avec les Chinois, c'est une nation très mercantile. Les Chinois demandent pas de contrepartie si ce n'est des devises et des ressources. Ils veulent qu'on les paye, c'est tout. Et pour la plupart des gens, c'est tout à fait acceptable. À compter aussi des talibans en Afghanistan. Donc, le monde occidental se restreint de plus en plus et là, visiblement, il commence à goûter à ses propres méthodes parce qu'on a mis des sanctions, je crois qu'ils avaient compté, ils en étaient à plusieurs milliers de sanctions contre la Russie depuis 2015, enfin je sais plus le nombre exact, mais c'était vraiment incroyable et ben peut-être que l'axe russo-chino-iranien va aussi se mettre à prendre des sanctions et à les faire appliquer. Nous assistons à l'heure actuelle à des événements, des redistributions de cartes, qui nous mène on ne sait trop où, et encore une fois, ça, pour moi, cela confirme que un grand complot mondial est impossible. Il y a trop de paramètres imprévisibles, inconnus, connus, mais... Je pense que par complot, les gens peuvent se tromper, c'est-à-dire, complot, tu veux dire, c'est la maîtrise totale des événements. C'est ça. Mais c'est différent de complot au sens de j'ai un plan que j'aimerais voir aboutir. Tout à fait, tout à fait. Tout le monde a un plan qu'il voudrait voir aboutir. Attention. Alors moi, ce que j'appelle un complot, pour qu'on soit clair, j'appelle ça, c'est une action occulte dont les résultats sont visibles. Par exemple, ça peut être très simple, hein, dans un village où les deux propriétaires de stations essence se rencontrent sans le dire à personne. Ils disent, bon, bah, on va fixer les mêmes prix, hein, pour pas se faire de concurrence. C'est ce que j'appelle un complot. Donc, il y a des tas de complots en permanence, dans le monde entier, hein. À partir du moment où il y a des rencontres secrètes, des rencontres diplomatiques, des rencontres même entre émissaires d'État, c'est ce que j'appelle, moi, un complot. Donc, attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de complot. Quand je parle du complot, c'est le fameux grand complot mondial qui, depuis des siècles, prévoirait tout à l'avance, etc. Non, c'est impossible, le monde est trop complexe. Les paramètres, même si beaucoup sont connus, il y a d'abord beaucoup de paramètres inconnus, et puis il y a des paramètres, même s'ils sont connus, on en ignore la force. Et à l'heure actuelle, je suis persuadé que personne au sein même des États profonds ne peut vraiment savoir où ça va. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas prévoir, notamment l'histoire des sanctions, qu'il faut que, comme tu as bien dit, que la Russie se tourne vers l'Orient. Il y a plein d'alliances qui changent, qui se modifient, et on ne sait jamais où ça peut aller. Et justement, c'est ça qui est très encourageant, en fait. C'est ça qui est très encourageant, parce que ça démontre bien que tout est possible. Alors que, d'après un certain discours qui crie nos ennemis beaucoup plus puissants qu'ils ne le sont, à la limite, c'est des discours dépressiogènes, parce qu'on dit, ben ouais, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, c'est du fatalisme, oui. C'est ça. Et moi, je me rappelle très bien du père de Marie, qui a été ma compagne pendant quelques années, qui lui disait, mais qu'est-ce que tu pourras faire avec tes petits bras? Tu peux rien faire, rentre dans le rang. Et ben, finalement, c'est ce qu'elle a fait, sous la contrainte. Mais bon, je n'en veux pas, hein, c'est pas ça. Mais c'est pour dire que ce sont des discours qui finissent par être anxiogènes et dépressiogènes, et puis, bah oui, mais de toute façon, qu'est-ce que je peux faire, moi? Alors que non, justement, l'avenir est ouvert. L'avenir, tout ouvert, enfin, il est ouvert, hein, pas tout ouvert, hein, mais rien à voir avec l'écologie. Oui, oui, oui. L'avenir est ouvert. Les jeux ne sont pas faits, les jeux n'ont jamais été faits. Je veux dire, moi, je le sais pour la période que j'ai été amené à étudier beaucoup dans toute ma vie, la Seconde Guerre mondiale, hein. Il y a eu des choses, un hiver russe qui a été beaucoup plus fort qu'on le pouvait, qu'on le pensait. Il y a plein de choses qui ont joué, qui ont fait que on ne savait pas encore, on ne savait pas ce qui pouvait se passer. Et ce qui se passe à l'heure actuelle, pour moi, est vraiment très excitant. Très excitant en ce sens que, voilà, rien n'est joué d'avance. On ne sait pas où le monde en sera dans 10 ans. Absolument pas, c'est pas possible de le savoir. Donc courage, et pour ceux qui veulent combattre, sachez que oui, le combat est utile, le combat est nécessaire et le combat peut être gagné à vue humaine. Alors, je ne parle pas après que même s'il était perdu, on aurait nos mérites, comme j'ai mis dans un message ce matin sur mon GAB, mais à vue humaine, le combat peut être gagné, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais comme tu l'as dit en même temps, et j'en termine là-dessus, il est évident que si la situation se tend, eh bien, dans nos pays, on sera considéré comme des traîtres, puisque c'est exactement l'un des 10 principes de la guerre, de la propagande de guerre, qui consiste à dire, si vous n'êtes pas d'accord avec notre propagande, c'est que vous êtes des traîtres à la solde de nos ennemis. Et là, la répression va pouvoir s'aggraver. Je pense que les Juifs vont s'en servir, hein, incessamment sous peu, à mon sens, hein, mais je pense que ça va pas tarder, hein. C'est très très possible, hein. Et on pourra même voir des gens mis en prison préventive. Oui, vous êtes un agent russe. Voilà, en disant vous êtes un agent russe, on va vous mettre en prison parce que vous, dans l'état qui est actuel, dans l'état du monde, avec les, eh bien, on ne peut pas se permettre d'avoir des voix dissonantes qui peuvent, etc. Donc et là, il n'y aura plus aucun droit, hein. Ce sera, ben oui, mais ce sera la raison d'État, hein. C'est très commun, ça, dans des périodes de pré-guerre ou des périodes de tension très forte, hein. Mes amis, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine, et on souhaite une bonne semaine à tous, et en avant !